qu'en est-il de la représentation syndicale au sein de... Alors, la représentation syndicale, il existe une intersyndicale pour la bonne et la simple raison que le nombre de syndiqués n'est pas suffisant pour être représenté, enfin les syndicats ne sont pas suffisamment puissants pour être représentés par syndicat au sein des instances de l'école. Il y a eu un vote, personnellement je ne suis pas syndiquée. Il y a eu récemment des élections et les rapports sont assez tendus. Ils sont tendus et je crois qu'ils se sont tendus justement depuis le passage à la LRU. Mais enfin, de mon point de vue, c'est tout à fait logique puisque ça suppose une réorganisation complète de l'établissement. Donc on va y regarder point par point toute l'organisation de l'établissement en ce qui concerne les contractuels, les représentants titulaires et les représentants des agents non titulaires travaillent ensemble et les titulaires sont très très très attentifs à ce que justement la réglementation soit respectée. Donc voilà pour la représentation syndicale et grâce à eux on a pu évidemment avancer sur toutes sortes de dossiers, notamment la mise en place d'un cadre très précis à l'école d'accueil des représentants des agents non titulaires. Voilà. Mais la représentation syndicale n'est pas très forte à l'école. C'est de mon point de vue, enfin en tout cas au niveau des agents administratifs. Si vous vouliez. Il y a un dernier point du coup qu'on va aborder qui est un peu notre retour sur notre expérience en tant que collectif. Donc brièvement, on va revenir sur pourquoi la mobilisation elle est difficile dans les contextes actuels justement. Enfin voilà, le fait que c'est effectivement on n'est pas nombreux, c'est difficile de mobiliser les troupes. Donc peut-être passer très brièvement en revue les raisons de cette difficulté de mobilisation. Après quand même, Elsa va revenir sur des endroits où la lutte continue et où la mobilisation se fait plutôt bien. Donc voilà. Et puis Quentin reviendra aussi sur les actions qu'on a menées au sein du collectif ici à l'EHESS. Donc très, très brièvement, revenir sur pourquoi on a du mal à se mobiliser aujourd'hui. Bon, je pense que c'est des choses qui ont déjà été en fait, abordées pendant toute la première partie de cette discussion. Hein, c'est des choses qu'on a déjà vues. Elsa, tu parlais tout à l'heure d'une absence de lieu pour se réunir, pour discuter, une absence de temps aussi, le temps donné où la discussion est possible. Je reprendrai deux exemples deux expériences qu'on a eues sur les difficultés peut-être de trouver des lieux où se réunir. On avait fait une AG dans le hall du bâtiment du France. Le fait est qu'il y a une soixantaine de personnes qui se sont arrêtées ce jour-là pour, par curiosité, par conviction, pour voir ce qu'ils disaient pendant cet AG, qui ont été interpellées. Mais tout de suite, il y a un agent de sécurité qui est venu nous voir, qui nous a dit voilà, merci d'aller dans la salle qui est au fond à droite du couloir, merci de vous rendre invisible, en somme, merci de sortir de l'espace public. On a pu rester parce qu'on était 60 et qu'on a dit bah écoutez non, enfin on est 60, on est en position de force, vous êtes tout seul, on va rester là. mais voilà, ça montre que on n'est pas forcément toléré dans l'espace public et que l'université n'est pas forcément reconnue comme un endroit où on peut parler démocratiquement des choses. Donc voilà, ça se passe, enfin voilà, autant sur le, voilà. Donc il y a cette dimension en tout cas spatiale. Autre élément qui rend difficile les mobilisations, bon, je pense que clairement, hein, c'est des choses aussi qui ont été évoquées, il y a des pressions, il y a un contexte général qui bride la parole quand on est en concurrence les uns avec les autres, quand voilà, ben, on a plus de mal à se souder, simplement à être solidaires les uns des autres. Il y a individualisation, mise en concurrence, il y a aussi, bon, il faut aussi le rappeler, il y a un déni de la part des politiques du droit de mobilisation entre revendications. Les dernières grandes mobilisations sociales qui ont eu lieu, la plupart du temps, n'ont pas été écoutées, n'ont pas débouché sur une prise en compte des revendications par le politique, que ce soit le mouvement étudiant en 2007-2008 contre la LRU qui a été massif et qui a été balayé complètement, que ce soit le mouvement des enseignants-chercheurs en 2009, pareil, c'est des choses qu'on pas débouché sur une prise en compte de quoi que ce soit. Dans les difficultés de mobilisation, on pourra aussi citer une opacité du système de manière générale qui fait que, alors je ne sais pas qui est familier avec les termes de... qui est familier avec les termes de presse ou de commu, qui sait comment se passe un conseil, enfin comment est géré un conseil d'administration à l'échelle de l'université. Moi, c'est des choses À la limite, enfin, en toute honnêteté, j'ai appris plein de trucs en préparant mon intervention de ce soir. J'étais pas vraiment au fait de tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui, enfin voilà, qui sont pas forcément au courant de comment fonctionne l'université, de comment, enfin voilà, comment on s'exprime, comment on est représenté, qui nous représente. Il y a des élections de représentants étudiants qui participent à ces élections. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment une opacité là-dessus, une opacité qui peut aussi être voulue, c'est-à-dire que on a la LRE qui passe, on a les presses qui sont proposées. Quelques mois plus tard, les presses deviennent des communes. Alors, personne n'a compris ce que c'était que les presses, mais on est déjà plus aux presses, on est déjà passé aux communes. Enfin, bon, c'est l'angoisse, quoi. Donc, ça joue pas mal. Et puis, on parlera donc d'un mal-être omniprésent. Et peut-être quelque chose que j'ajouterais aussi, qui n'a pas trop été abordé, mais on peut avoir. Enfin, il y a des fois, on peut aussi avoir une espèce de culpabilité à se mobiliser, à se dire, mais. On fait partie du monde étudiant, alors on est fonctionnaire, ou bien bah tiens, j'ai une allocation doctorale, finalement pourquoi je vais contester, pourquoi je vais. Est-ce que je suis vraiment légitime à me mobiliser là-dessus? Après tout, j'ai de la chance et on me donne un peu des miettes. Enfin, c'est génial, c'est vrai que c'est génial d'avoir une allocation doctorale de 3 ans, c'est formidable, c'est une chance, on est 9% à en avoir. Enfin, de quoi on se plaint, quoi, quelque part. Et en même temps, ben ouais, c'est une allocation de 3 ans, quoi. Après, tu finiras avec ton chômage et ton allocation, puis tu galéreras pendant 4 ans pour avoir un poste d'ATER, enfin, je sais pas. Donc, peut-être que, voilà, il y a tout ça. Et en même temps, quand on a choisi d'être étudiant, ben, on n'a pas forcément choisi d'être précaire. Et, on ne devient pas forcément étudiant pour être précaire. On devient étudiant parce qu'on a des comptes. Enfin, on veut faire de la recherche, peut-être aussi par conviction. Et voilà. Et il ne faut pas perdre ça de vue. Et si je peux... Mais oui, vous pouvez. Non, c'est bon, ça, c'est libre de parole, ça ne me concerne pas, on peut y aller. Je plaisante. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée à l'école, c'est le manque de prise en compte de votre devenir professionnel à la sortie du diplôme. C'est quelque chose qui, enfin, j'arrive pas à concevoir. Je me dis, en plus de ça, enfin, dans une époque où justement on te rabâche que. Il faut absolument que voilà, vous soyez bankable à la sortie. Donc, si vous faites un diplôme, il faut absolument enfin, voilà, que ce soit un diplôme qui soit... Et quand on sort d'un diplôme, on sait faire plein de choses, quoi. On sait faire plein de choses qui sont employables dans n'importe quelle entreprise. Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas accompagner les doctorants dans cette démarche vers un monde qui ne serait pas forcément le monde académique, quoi. Mais... Voilà, ouais. C'était juste une intervention. Enfin, ça c'est, ouais. Ça sera sujet à débat après. Il me semble qu'il y a eu récemment à l'école, je crois, organisé par, c'est pas TEPSIS ou un truc comme ça. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, non, ça c'était formidable. Ouais, voilà. C'est une super initiative. Donc, voilà, exactement. Mais ça devrait pas se contenter d'être. Ça c'est encore une fois, c'est un IDEX, il me semble, TEPSIS. Oui. Et donc c'est porté par un IDEX. C'est pas porté par l'établissement qui délivre le diplôme. C'est-à-dire c'est porté. Pour un tout petit nombre d'étudiants, j'avais participé à la réunion préliminaire en fait de cet événement, et c'est porté pour un petit nombre. Alors là, c'est bien, ça s'est tendu à tous les étudiants étaient invités, mais une fois que TEPSIS sera arrivé en bout de course, qui va récupérer cette expertise accumulée par cette équipe formidable de TEPSIS qui porte des choses, qui va récupérer ça? L'institution, non, il n'y a personne derrière. Il y a maintenant une obligation légale pour les établissements d'enseignement supérieur de faire ce genre d'informations, ouais. et de suivi, ouais. Des étudiants, ouais. Post-diplôme. Donc, de toute façon, ça se poursuivra. Oui, j'espère. Est-ce que vous avez parlé de l'association Intelligence? Association, pardon, avec Grégory, je crois que c'est de nouveau. Oui, la c'est même ça, chose. Ouais. Ouais, mais c'est plutôt pour les sciences du dur, en fait. Il y a une autre association pour les sciences humaines et sociales dont le nom m'échappe et qui a participé à l'organisation de cet événement pour l'IDEX TEPSIS, enfin, pour tous les doctorants de HESS, mais porté par l'IDEX TEPSIS. Je vais peut-être finir, enfin, poursuivre, ouais, pardon. Ouais, non. Ouais, moi c'était bon, du coup, Elsa, tu peux continuer sur. Sur ce qui nous encourage et nous motive aujourd'hui en termes de mobilisation. Alors oui, parce que face à tous ces bouleversements et ces transformations, évidemment, ça ne se fait pas dans la passivité la plus totale, et on a déjà mentionné les mouvements étudiants puis d'enseignants-chercheurs juste après le passage de la LRU. Bon, vous, évidemment, vous savez que l'année dernière, Science en Marche a mobilisé, a organisé une grande manifestation, mais manifestement avec assez peu de résultats. Par ailleurs, alors là, je parle plus à titre personnel parce que je ne connais pas bien Science en Marche. J'ai l'impression que c'est essentiellement porté par les enseignants-chercheurs titulaires et que à la fois les précaires et les personnels administratifs et techniques ont peu pris la parole publiquement à l'occasion de cette mobilisation. Voilà. Par ailleurs, donc il y a eu cet événement assez marquant et qu'il y a eu un écho médiatique de Science en Marche, mais il faut savoir qu'il y a aussi toute une multiplicité de collectifs locaux de précaires. Avec des temporalités variées, il y a eu plusieurs mouvements en fait sur les 2-3 dernières années de précaires à l'échelle locale. Donc pour en citer quelques-uns, il y en a eu à Strasbourg, à Caen, à Tours, à Montpellier. Et ça a pu parfois mener à des victoires locales. Et là, je rebondis sur ce que tu disais, France, sur l'avantage de la LRU d'avoir l'employeur directement en face. Et bah, c'est qu'on peut négocier effectivement directement. Et par exemple, à Caen, le mouvement des enseignants vacataires a obtenu la mensualisation de leur paye, parce qu'autrement, la paye des vacations est versée après service rendu en théorie, et bien souvent des mois après, voire 6 mois, voire 1 an. Et à Caen, le mouvement a réussi à obtenir la mensualisation. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important en termes de conditions de travail et de conditions de vie en fait, de ces enseignants vacataires. Nous, le collectif contre la précarité à l'UHESS, avec le mouvement des vacataires de Lyon 2, on a été à l'initiative d'une rencontre nationale des collectifs de précaires qui s'est tenue en décembre dernier. Donc ça a été l'occasion d'une première rencontre, de faire un peu un tour d'horizon de la situation dans différentes universités, de la situation aussi des collectifs de précaires. Donc il y avait une dizaine de collectifs, je ne vous les cite pas tous, mais il y avait Montpellier, Caen, Tours, plusieurs collectifs de Paris ou région parisienne. Voilà, donc ça a été une première étape pour en tout cas se rencontrer, discuter. Évidemment, pour le moment, il n'y a pas de mouvement, donc ça ne permet pas de fédérer des mouvements locaux, mais ça reste un outil très important qui pourra se révéler crucial à un moment donné. Et là, je vais vous parler plus précisément de ce qui se passe à l'Université Lyon 2, parce que c'est quand même ça qui nous donne de l'espoir. Vous avez peut-être entendu parler, mais je vais revenir sur Lyon 2. Depuis septembre, il y a... des centaines d'enseignants vacataires qui enseignent sans contrat, sans paye, sans sécurité sociale, sans assurance, enfin, sans tout ce qui va avec. Et donc, un mouvement des enseignants vacataires, donc, qui sont essentiellement des doctorants pour Lyon 2, le mouvement a commencé dès septembre dernier, a obtenu plusieurs rencontres avec la direction des ressources humaines sans aucun résultat, à part des promesses pipeaux. Ça concerne essentiellement les départements d'anthropologie, sociologie et sciences politiques. Enfin, pas le fait de ne pas avoir de contrat, mais le mouvement, les docteurs mobilisés sont essentiellement dans ces trois départements-là. En janvier, ils ont lancé une rétention des notes et depuis lundi, ils sont en grève. Donc je vais revenir un peu plus précisément sur ce qui se passe. Évidemment, comme dans tout un tas d'universités, à l'Université Lyon 2, il y a une précarité structurelle des enseignants et des personnels administratifs, avec des variations quand même très importantes selon les départements. En anthropologie, qui est un des départements les plus mobilisés dans ce mouvement, le taux d'encadrement par les titulaires est extrêmement faible et les 60% des cours sont donnés par des vacataires. La situation est différente, par exemple, en sociologie, où il y a beaucoup plus de titulaires et beaucoup moins de vacataires. Le département d'art du spectacle a vu la quasi-totalité de son budget supprimé à la rentrée 2014, ce qui a donné lieu à une mobilisation, mais qui peine à obtenir des budgets, en fait. Et le département de langue a un déficit de 200 000 euros. Donc voilà, pour planter un peu le décor. Et dans le département de LEA également, face à ce déficit et aux problèmes financiers, les TD sont passés à 45 étudiants par TD. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donne un TD de langue avec 45 étudiants dans une salle. Évidemment, les conséquences, c'est pour les enseignants vacataires et pour le personnel en général, mais aussi pour les étudiants, donc avec des TD surchargés. Les problèmes financiers font qu'il n'y a pas assez de locaux ou de matériel adapté. Et aussi la réduction de l'offre de formation et de l'offre de TD, ce qui fait que les étudiants salariés qui ne peuvent pas se libérer à n'importe quel moment ont moins de possibilités de suivre les cours, de suivre les TD. Donc la mobilisation, comme je disais, elle a commencé à la rentrée 2014. avec plusieurs assemblées générales, plusieurs rassemblements, une pétition, des liens avec les médias aussi pour se faire connaître. À partir de janvier, les vacataires ont décidé de la rétention des notes pour faire pression sur l'université pour obtenir des contrats, parce que ça faisait 4 mois que la DRH promettait des contrats qui n'arrivaient pas. Ce qui est très important là-dedans, c'est qu'ils ont le soutien des titulaires, en particulier dans le département de sciences politiques, où tous les titulaires soutiennent le mouvement, organisent eux-mêmes la rétention des notes, ce qui est particulièrement crucial également parce que ça évite la division entre les étudiants et les doctorants, puisque certains étudiants ont impérativement besoin de leurs notes, par exemple, pour partir en Erasmus. Et dans ces cas-là, les titulaires se chargent de gérer ce genre de dossier, de voir comment faire en sorte que ça ne pénalise pas les étudiants. Donc c'est un exemple qui montre très bien l'intérêt de l'importance du soutien des titulaires et l'intérêt de la solidarité entre différents statuts. Face à l'absence complète de réponse de la DRH et d'avancée, les vacataires ont décidé. Alors les vacataires de sciences politiques ont voté la grève lundi. Donc comme je vous disais, il y a 60% des cours assurés par les vacataires, donc quand ils sont en grève, forcément le département de sciences politiques il tourne pas. Cette grève, elle concerne tous les vacataires sauf 4-5 personnes, donc c'est extrêmement majoritaire. Mardi, anthropologie, les vacataires d'anthropologie se sont mis en grève, également art du spectacle, et il y a eu aujourd'hui, où il va y avoir une assemblée générale des vacataires de sociologie pour voter ou pas la grève, et une extension possible aux langues et à la psychologie. Donc voilà, c'est un mouvement qui s'étend, qui fait ses preuves, avec un fonctionnement d'assemblée générale par composante, et un fonctionnement aussi où les vacataires se sont tournés vers les étudiants, ont organisé une assemblée générale avec les étudiants pour leur expliquer leur situation, leur expliquer pourquoi ils faisaient la rétention des notes, pourquoi ils faisaient grève, et avec un très bon accueil en fait du côté des étudiants qui se mettent eux aussi en mouvement en soutien aux vacataires. Donc on a un début de mouvement étudiant à Lyon 2 qui ont participé par exemple à midi au rassemblement devant la direction des ressources humaines en compagnie des vacataires et des titulaires, qui lance une campagne de soutien, etc. Il faut savoir que ça, c'était pas forcément évident parce que il y a une répression antisyndicale à Lyon 2 où deux syndicalistes étudiants viennent d'être exclus pour entre un an et demi et 2 ans suite à une mobilisation contre les coupes de budget de l'année dernière. Donc le contexte n'était pas a priori très évident, mais la mobilisation prend quand même. Voilà, et la dernière chose qu'il faut mentionner aussi, c'est que ce mouvement, il bénéficie du soutien des organisations syndicales, donc à la fois UNEF Solidaire Étudiant du côté étudiant, mais aussi le Sud Éducation qui est très actif dans ce mouvement et dont les militants sont très porteurs dans le mouvement des vacataires, et le mouvement est en lien avec le SNESUP et la CGT. Donc ça nous montre aussi l'importance de s'appuyer sur les organisations syndicales comme outil de lutte. Donc voilà, ça ouvre un espoir. En tout cas, on voit que c'est possible de se mobiliser, que ça peut, qu'il y a une possibilité d'entraînement aussi de département à département entre doctorants et étudiants. Et on espère que ça va déboucher et que ça va pouvoir donner des idées à d'autres gens, éventuellement faire jurisprudence aussi, parce que si ça contraint l'université à faire des contrats, à mensualiser, et ça peut servir d'exemple pour d'autres universités. Donc voilà. Très rapidement sur les actions que nous avons déjà menées, même si on n'est pas Lyon 2, on n'a pas non plus à pâlir. Depuis octobre, on a organisé 3 assemblées générales, dont une avec 60 personnes dont Elsa a parlé, qui a eu lieu dans le hall du France, qui était quand même une victoire, après le début d'une victoire. On a donc eu l'occasion de se rencontrer, de discuter, aussi lors de la coordination nationale dont a parlé l'autre Elsa. On a fait la semaine dernière une journée de mobilisation qui a regroupé un certain nombre d'étudiants pour discuter justement de la question de la précarité, qui est une thématique qui, malgré tout, intéresse les personnes et en tout cas à laquelle ils sont sensibles. C'est pas quelque chose qui tombe dans l'oreille d'un sourd, me semble-t-il. Et on semble assister à une prise de conscience progressive, même si on n'en est pas encore au bout de nos peines, a priori. Donc, on a participé à un certain nombre de manifestations pour la défense de l'ESR, bien sûr, mais aussi en lien avec les hospitaliers, parce qu'il nous semble important, comme on l'a de vu, c'est des politiques qui sont menées à une autre échelle que la simple échelle du monde universitaire. Donc, il nous semble important d'essayer de regrouper nos forces dans tous les secteurs pour que notre lutte soit la plus efficace possible. Et... donc voilà, sur le collectif aujourd'hui, on vous avouera que c'est difficile. Voilà, comme on disait en entrée, on n'est plus que quelques doctorants à tenir le collectif. Il nous semble malgré tout important de continuer à ce qu'il soit actif pour assurer une continuité du mouvement et pour voilà, essayer d'alimenter notre plateforme de revendication et voilà, se serrer les coudes, remonter le moral et essayer de, comme à Lyon 2, un mouvement puisse émerger. Donc notre présence à ce séminaire est intéressée à double titre. D'une part, donc, se faire connaître, car pour nous, il y a nécessité d'un rapport de force, et donc la nécessité de construire ce collectif, de l'alimenter, que de nouvelles personnes puissent nous rejoindre. Et une deuxième chose aussi, c'est réfléchir à des formes de coopération concrètes, étudiants, personnel administratif et enseignants, sur lequel, donc, comme je le disais, le collectif s'est construit, à laquelle nous tenons particulièrement. Car pour nous, contre la précarité et contre ce qui la détermine, c'est-à-dire l'abandon progressif d'un enseignement public au profit d'une privatisation larvée, il y a nécessité d'une lutte globale, d'une lutte collective, et c'est à ce titre-là que nous sommes ici. Nous vous remercions. Merci. Eh bien, comme nous avons donné la parole à nos deux grands invités, que sont... Je vais juste poser une question, Michel, oui. À propos de l'expérience de Lyon 2 pour comprendre le mouvement en cours. Donc ce sont des enseignants qui sont en mouvement, qui sont pour la plupart d'entre eux des doctorants de l'université. Et qu'est-ce qu'ils disent exactement obtenir remplacer des vacations par un contrat de travail à durée déterminée qui porte sur l'année et où ils seraient effectivement dans la condition correcte. Est-ce que c'est ça leur question? Alors, j'ai plus en tête exactement la liste, sachant qu'il y a évidemment une remise en cause de ce statut de vacation qui serait dégradé. Je peux pas vous dire exactement, mais en tout cas, ils demandent notamment la mensualisation. Donc être payé chaque mois et non pas au bout de 6 mois. Dans un contrat de travail, au bout de des vacations qui ne sont pas dans le contrat de travail. Oui. D'accord. Et ce que tu disais, c'est que ça dépend finalement des départements aussi. Chaque département avait ses revendications propres entre... Les revendications ne dépendent pas du département, mais la mobilisation prend plus ou moins en fonction du nombre de vacataires, du soutien qu'ils ont aussi et de la configuration particulière des départements. Juste une petite question, si c'est possible, de l'information. Peut-être sur l'un, il y aura plus que ça. Je crois qu'il y a plus que deux. Ils sont plus que deux, je crois qu'il y a d'autres. Enfin, en tout cas, il y en a deux avec nous qui sont emmerdés. C'est pas l'idée, je dois intervenir en plus. Je vais à la section disciplinaire pour savoir si. Bah, ils ont été jugés deux fois en fait pour la même chose au tribunal administratif et en commission disciplinaire. Donc double peine. Il y en a plein beaucoup. Accusé de violence sur le vigile, sachant que c'est bien. Artemisa, peut-être. Oui, je suis ravie d'avoir été invitée, d'être là, parce que il y a déjà en 2012, on avait parti aussi avec l'idée de faire un collectif de précaires, donc on a commencé dans notre labo avec des autres précaires, doctorants, à l'époque j'étais doctorant, maintenant je suis docteur sans poste. Et donc du coup, on avait commencé à se mobiliser dans notre labo et après avec des autres labos à Poucher, au CNRS. Et on avait pris contact avec des autres collectifs de précaires qui à l'époque s'étaient formés, donc Montpellier, Strasbourg, Toulouse. Et on avait eu, parce que c'était au moment de la loi Sauvadet qui est passée en 2012, en mars 2012. Donc il y a eu beaucoup des réactions, surtout parce qu'ils sont passés aussi les assises nationales de l'enseignement supérieur à la recherche. Donc, ils savaient quelques collectifs et quelques personnes qui sont liées aux assises, mais pas tout le monde. Donc, et on a été entendus. Mais il n'a jamais été suffisant. Disons qu'on a été combiné plusieurs fois au cabinet avec Fioraso. Après, on a essayé de faire aussi un certain des entretiens avec des députés, des sénateurs qui étaient sensibles aux questions de précarité. Mais nous, on demandait, pour nous, les questions de la précarité passent pour avoir des postes pérennes. Donc, on ne demandait pas, bon, pour les vacataires, on va faire ça. Ce n'était pas des choses très concrètes. Pour nous, les choses concrètes, c'était demander 5000 postes par an. Et que ça, c'est la seule façon, de notre point de vue, de résorber la précarité. Donc, nous, on partait de la base qu'on allait comme ça, il n'y avait pas de marge, de manière possible. Et on a essayé de faire ça et on s'est mobilisé. On a été combien de collectifs? Je me souviens parce que les choses qu'on faisait à ce moment-là, il y avait un collectif qui s'est formé à Paris 7, à Paris 1, à l'école, et dans notre labo, et à Paris 8. Donc les choses qu'on faisait, c'est de nous soutenir en allant à différents sages. Et donc, c'était des AG assez importants, avec des 100, 200 personnes, dans des amphis replets de gens qui voulaient. Et donc, mais à ce moment-là, je pense que c'était. Il y a eu beaucoup de difficultés aussi, parce qu'à l'origine de cette mobilisation, c'était notre camarade au sud, c'était dans la grande majorité de cas, des personnes qui n'étaient pas dans la même situation, parce qu'il y a. Nous, on était en SHS, mais eux, c'était la majorité en biologie. Donc, la situation n'est pas la même. Et donc, on avait toujours un peu des problèmes, parce que aussi, du point de vue du ministère, le ministère faisait des réunions plus avec eux, en disant, regardez, vous avez des post-docs payés, parce qu'ils sont des contrats à durée déterminée. Mais eux, ils voulaient surtout qu'après les 600, il avait la contractualisation après 600 de CDD et donc du coup dans les sciences sociales c'était pas la même possibilité, donc il a été toujours un peu difficile, mais et donc du coup on avait créé le collectif national, la coordination nationale des précaires de l'enseignement supérieur, donc on avait été au moins 13 collectifs qui se sont formés à niveau national et on avait fait deux différentes actions en même temps pour faire la manifestation en même temps dans différentes villes, etc. Bien évidemment, c'est difficile d'avoir que les médias relaient l'information, parce qu'on l'a vu avec Science en Marche. Je pense que ça a été quelque chose assez, je sais pas, avec beaucoup d'espoir, parce qu'il avait, vu beaucoup de gens, il avait quelque chose et c'est fini. Donc, je pense qu'il a la situation de précarité où on est, il va nous amener vraiment à avoir, j'espère que aussi plus de mobilisation. Donc, je suis vraiment réjouie parce que j'ai commencé à voir qu'à Lyon 2, ils sont en train de se mobiliser et de demander des choses. Les choses pour le moment, c'est que ne sont pas les mêmes revendications. Parce qu'à Lyon 2, si je me souviens un peu, ils ne demandaient pas que les statuts de vacataires finissent, mais sinon des choses concrètes. Comme la mensualisation, qui sont déjà des choses concrètes, mais où on a beaucoup de problèmes à décider si on demande des choses concrètes ou on demande la suppression de vacations. Parce que moi, en étant moi-même vacataire, oui, c'est évident, on reçoit notre salaire 6 mois après, une fois qu'on a. Donc, moi, j'ai donné des vacations le semestre dernier, donc je n'ai pas été payée et je ne sais pas quand je les serai. Et donc, ce semestre-là, ça va être un peu la même chose. Donc, on sait qu'on sera payé l'été, on ne sait pas exactement quand. Mais est-ce que. Donc, mais bon, ça sera une chose qu'on pourra en discuter, parce que maintenant que je vois qu'il y a vraiment des collectifs qui se mettent en place, et le fait que vous soyez beaucoup assez mobilisés, que vous êtes maintenant en contact parce que vous disiez que vous avez eu une réunion en décembre, donc c'est génial, c'est les choses qu'on avait essayé aussi de faire. Donc après, bah, nous, c'était quelque chose qui, bon, c'est plus difficile de rester toujours mobilisé, parce que, bon, en étant précaire, moi aussi, on laisse de côté certaines choses, mais bon, la précarité, elle est là, et donc il faut manger, donc on se met dans des contrats. Et pour le moment, je pense que, dans ça qui me concerne, comment je suis maintenant vacataire, je pense que les revendications que je viens de lire de vous, je pense que c'est plus ou moins ça qu'il faut défendre, plus des postes pérennes, que les vacations ne soient pas, continuent pas à être la norme dans l'enseignement supérieur de la recherche, parce que nous, on avait fait un ordre de synthèse à l'époque, en 2012, et on avait vu, c'était 5,7 millions d'heures d'enseignement assurées par des vacataires ou par des heures supplémentaires d'enseignants-chercheurs titulaires en 2007, soit l'équivalent de 30 000 postes de maître de conférence. Donc, ça montre les niveaux, vraiment les vacataires, ils sont en train d'assurer les enseignements à l'université, et donc, en faisant pas, on n'a pas de droits, on n'a pas de primes, etc. Donc, il faut faire quelque chose et surtout demander des postes. C'est ça qui va changer la donne. Alors, par poste pérenne, vous entendez quoi? Les postes par concours ou donc des postes de la fonction publique ou des postes, disons, de privé, quoi, CDI, de statut privé? On n'a pas rentré autant dans les détails, mais c'était surtout dans les universités, dans les CPST, d'avoir des postes, par exemple des maîtres de conférences, des postes de fonctionnaires, des postes de pérennes dans ces centres-là, ou des CDI, parce qu'il y avait aussi, à l'époque, on allait avec toutes les personnes en biologie, et ou des CDI. Mais, alors, il se pose un problème, parce qu'en fait, ça a l'air d'être un peu Canada Dry, quoi, mais ce sont des contrats qui n'ont pas du tout les mêmes statuts, j'imagine, puisque alors maintenant, les chefs d'établissement peuvent recruter en CDI, ils ont le droit, ils ont une enveloppe, je pense, pour le faire, mais en fait, comme on le sait, ils sont en déficit, donc on a assisté à un gel de très nombreux postes et l'argent pour payer des postes sert en fait à payer d'autres factures. Bon. Alors en fait, ces postes sont autorisés mais ne sont pas pourvus. Mais ce sont des postes qui du coup transforment des universitaires en employés de leur université locale. Or, c'est une différence énorme par rapport aux universitaires embauchés par concours et qui, eux, ont un statut national et ne sont pas les employés des établissements dans lesquels ils travaillent. Et la crainte, à l'époque, c'était ça. Enfin, j'avais cru comprendre. À l'époque, les bisbilles, enfin, les désaccords entre les précaires de biologie et ceux des SHS, c'était précisément sur les conséquences, disons. Oui, c'est les conséquences, parce que la nature, c'était pas la même. Donc, voilà. Du coup, il y avait, et je pense qu'en grande partie, on a eu beaucoup de difficultés parce que les ministères voulaient seulement faire des réunions avec les personnes qui étaient en sciences de la nature, en biologie, pour essayer d'avoir avec eux des négociations, pour voir de quelle façon que c'est différent. Parce que, des points de vue des ministères, ils nous disaient, de toute façon, vous n'êtes pas financiers. Une grande majorité d'entre vous, ils ne sont pas financiers. De toute façon, vous ne savez pas, même pas des CDD. Donc, la situation est complètement différente. Mais donc, du coup, c'est comme ça et ça ne va pas changer. Pour vous, ça ne va pas changer de toute façon. Pour les autres, peut-être, parce que c'est différent, c'était un autre statut. Donc, il y a eu aussi un clivage par rapport à ça, oui. Donc, c'était assez important, parce que nous, on demandait des choses très fixes pour nous, Et donc c'est pour ça, aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, dans des autres collectifs, quelles sont les filières avec lesquelles les collectifs y sont formés. Parce que ça c'est important. Ça, je ne sais pas. Mais... Oui, j'ai tout de suite... j'ai plein de choses à rajouter pour réagir à ce que tu disais. Alors, sur la question, effectivement, les sciences humaines et sociales d'un côté et les sciences de la nature de l'autre, c'est vrai que les questions ne se posent pas pareil, notamment parce qu'en physique, et ben voilà, on est 5 jours au labo, on est encadré, etc. C'est que des contrats, enfin, on ne peut pas faire une thèse en physique sans contrat doctoral. Cependant, quand on a fait notre coordination des collectifs, il y avait plusieurs collectifs qui concernaient les sciences de la nature, donc astrophysique, biologie. Physique fondamentale, et ce que disaient les camarades, c'est que ça tendait à se rapprocher petit à petit des sciences humaines avec des post-doctorats très courts où il faut faire 3 post-docs avant d'espérer trouver un poste. Et par ailleurs, les camarades qui étaient là viennent plutôt des branches, on va dire les parents pauvres des sciences de la nature, donc comme je disais, astrophysique ou physique fondamentale, qui ne bénéficient pas des bonnes conditions que peuvent bénéficier d'autres branches. Je voulais revenir aussi sur 2-3 choses. La question des vacations. Alors, pour ce qui concerne Lyon 2, dans l'immédiat, la revendication, on va dire, en termes d'urgence, c'est d'obtenir le contrat de vacation et d'être payé pour juste pouvoir loger et payer son loyer. Mais évidemment, les personnes qui sont mobilisées sont très conscientes de tout le problème que pose ce statut de vacataire. Mais je ne peux pas vous dire pour le moment si ça fait partie de leur revendication de supprimer le statut de vacataire. En tout cas, la revendication immédiate, c'est on veut un contrat, on veut notre paye, quoi. Par ailleurs, il y a d'autres choses qui se passent, notamment en termes juridiques. Je sais qu'il y a une personne qui était vacataire à Grenoble, vacataire renouvelée pendant 6 ans, qui a été licenciée suite à sa demande de cédéisation. Qui est en train de voir si elle peut s'appuyer sur le droit européen pour obtenir sa cédéisation, sachant qu'en droit français, en fait, c'est pas possible parce que le statut de vacataire ne le permet pas, mais qui aurait potentiellement un appui sur le droit européen. Donc voilà, on peut regarder aussi du côté de la jurisprudence et de ce qui se passe dans l'arène judiciaire sur cette question-là. Et sur la vacation encore, à la fois les vacations, mais aussi les heures supplémentaires, parce qu'il y a des universités où les maîtres de conférences d'office font 50% de leur service en heures supplémentaires parce que sinon le département tourne pas. Et en fait, ces choses-là, ça nous fait participer nous-mêmes à la reproduction de la précarité, parce que oui, évidemment, on veut une vacation pour gagner de l'argent et on est obligé de faire des heures sup parce que notre poste l'impose. Mais je pense que cette contradiction où à la fois on veut lutter contre la précarité mais on est en train de faire des vacations, en fait, cette contradiction, elle est dépassable que par la lutte collective et par le fait de porter des revendications et de dire, bah oui, dans l'immédiat, on demande notre contrat de vacation parce que juste on veut pouvoir payer notre loyer, mais la lutte collective, elle va permettre de remettre en cause ce statut de vacataire et de dire, bah en fait, non, ça va pas, ce qu'il nous faut, c'est des vrais contrats avec des vraies conditions de travail. Voilà. Ouais, je voulais finir avec... la situation où on est, par exemple, les personnes qui ont participé en 2012, bon, déjà en 2009, et après en 2012 et en 2013, c'est la situation maintenant qui on vit dans les labos. Donc les situations des pratiques internes dans nos labos, et que c'est ça que nous, on est en train de changer, parce qu'ils sont des pratiques internes où... ne sont pas visibilisés. Donc, comme vous l'avez mentionné, je pense que je l'avais entendu, quand on fait tous les travaux gratuits qu'on fait au labo, seulement quand vient l'évaluation ARS, ils nous donnent toute l'opportunité de parler, de lire, etc. Mais dans les jours au jour, c'est difficile parce qu'il y a peu de légitimité pour les statuts qui deviennent maintenant... plus normal, malheureusement, que c'est des docteurs sans poste dans les labos. Donc déjà, il y a commencé à avoir certaines inquiétudes dans nos labos, sauf que bientôt, on serait très nombreux. Et que, donc, du coup, il va falloir négocier différemment certains privilèges qu'on avait, de demander, etc., des financements. parce qu'ils craignent qu'on sera beaucoup dans quelques années et que la précarité ne va pas s'arrêter. Et donc, du coup, ça crée une ambiance aussi entre nous, parce que c'est, comme vous avez dit, c'est la concurrence entre nous. On sait que malheureusement, ce n'est pas un an qu'on va avoir les postes. Donc, c'est, à chaque fois, c'est 1, 2, 300 à la moyenne. Donc, il y a toujours cette question-là que nous, on essaye d'avoir des façons d'échanger avec aussi les titulaires, de faire comprendre que. Il faut avoir une certaine légitimité, il faut, pour les doctorants et nous, en tant que docteurs sans poste, et parce que nous, on n'a pas de protection, parce qu'il y a aussi beaucoup de abus de pouvoir entre les docteurs et quand on est en postdoc, donc toutes ces séries de questions, ils sont difficiles parce qu'il faut maintenant être toujours docile, parce qu'on sait qu'il y a un rapport de pouvoir très fort qui s'exerce. Et donc, ce type de choses qu'il faut que nous, on est en train aussi d'évidencier, de dénoncer. Par exemple, les choses aussi importantes, c'est que pour le moment, ils nous demandent à chaque fois de nous-mêmes faire les contrats de recherche, par exemple pour des années, etc. Ils nous disent, c'est à vous de monter le projet, donc tu passes le temps, tu les fais, et après, non, c'est pas, tu ne l'as pas eu, mais bon, donc ce n'est pas les titulaires, donc on fait déjà le travail des titulaires, de monter le projet, de chercher des gens, de les faire, etc. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ou ils les montent pour eux, etc. Ou ils sont engagés, ils disent dans notre labo, on est engagé, on ne veut pas avoir de ces statuts précaires, ou on est engagé pour ne pas avoir des financements ANR. Et donc, du coup, OK. Et donc, nous, on n'a pas dans nos labos parce que nos titulaires, ils sont engagés à pas les savoir. Maintenant, ça change. Ça a changé parce qu'ils ont vu qu'il y a question urgente. Ils se sont dit, allez, on va aller à toutes les façons d'avoir le financement. Donc, on va voir comment ça évolue. Eh bien, peut-être Romain. Ah oui, merci beaucoup pour... ça, je sais pas dans quel c'est juste des idées, des pistes de réflexion en fonction de ce que vous avez dit. De toute façon, voilà, je pense que chacun à notre niveau fait ce qu'on peut pour essayer de lutter contre une grosse machine qui est assez compliquée. Un truc que vous avez dit, c'est quand même qu'il y a une continuité politique absolument incroyable entre Pécresse et Fioraso. Il faut quand même que les choses soient claires de ce point de vue-là. La loi, il y a la LRU, etc. La loi Fioraso dit d'ailleurs dans son préambule, qui est tout à fait passionnant à lire, que comme le monde universitaire a déjà été soumis à tout un tas de changements compliqués, tout ça, l'autonomie et tout, il ne faut pas rechanger tout ça, il faut continuer. C'est assez sympathique, c'est en fait pour nous ménager, pour continuer dans cette logique-là, ce qui est quand même sympathique, parce qu'on n'avait pas forcément tous remarqué que c'était pour nous faire du bien. Voilà. Donc il y a quand même ça qui est en toile de fond et qui est très difficile. Alors moi il me semble que dans ce que vous avez dit, en fait on pourrait réfléchir sur trois directions. Mais c'est comme ça, hein, j'improvise un peu. D'abord, qu'est-ce qui se joue entre nous, collègues de tous les statuts différents, etc. C'est-à-dire notamment, il y a pas mal de choses dans ce que vous avez dit sur l'obligation des titulaires à l'égard des... de tout statut, etc. Et je pense que là-dessus, il y a tout un tas de revendications qu'on peut avoir, notamment quand vous dites la liste nationale exhaustive des financements doctoraux, par exemple, des rapports de délibération sur qui obtient en fonction de quel critère, tout ça. Je pense que tous les éléments, disons, de transparence et d'explicitation de ce que font les titulaires quand ils accordent un contrat ou qui recrutent quelqu'un ou qui etc. Je pense que ça va dans le sens d'un apaisement possible, en tout cas du relationnel, et évidemment du côté il peut y avoir il faut que les gens sachent la réalité des choses sur les critères d'évaluation aussi, parce que ça permet, et je pense que c'est une chose qu'on ne voit pas forcément, c'est pour ça qu'on fait aussi cette journée de samedi prochain à laquelle vous êtes tous conviés, donc aussi parce que ça permet de comprendre l'extraordinaire difficulté dans laquelle sont de plus en plus, alors c'est une difficulté toute relative par rapport à un précaire, on est bien d'accord, de plus en plus de titulaires d'opérer des choix, de trouver des critères, etc. Et il y a une espèce de... mais n'osant pas le dire, ou ne pouvant pas le dire, il y a eu des petites actions comme ça, il y a eu en Sciences Po, ils avaient dit, bon, à un moment, on va tirer au sort, voilà, on va prendre les meilleurs dossiers, les 20, mais comme de toute façon, on n'a qu'une bourse ou qu'un machin, ben, on tirera au sort sur les 20. C'est une façon de dire, évidemment, c'est délirant, mais c'est une façon de provoquer, de dire, à un moment, on ne sait plus. On peut comprimer, il y a des gens très très très bons, bon, alors on va, voilà, donc on peut en éliminer 50% peut-être sur la thématique, sur ceci, puis des records, machin, mais à un moment, il y a quelque chose qui est incompressible, on ne peut pas faire à tout le monde. Donc voilà, je pense que si on échange sur les critères, sur les éléments, tout simplement de transparence de ce qu'on fait entre titulaires, je pense que c'est important. Ce qui permet aussi aux gens précaires, de dire... est-ce que vous avez tenu compte de tel critère? Est-ce que ce critère-là, il existe? Est-ce que vous n'avez pas oublié, je sais pas quoi? Enfin voilà, ça permet de, je pense, un petit peu. Je dis pas que ça résout tout, mais c'est vrai que le côté opacité, il n'y a rien de pire, en fait. Quand on ne sait pas pourquoi on l'a eu, pourquoi on ne l'a pas eu, etc. Toutes les spéculations sont possibles. Et en général, elles ne sont pas très saines pour le milieu. Bon. Après, donc ça, je pense que c'est un truc qu'on peut décliner tout un tas de revendications précises par rapport... au titulaire, tout en ayant donc ce que je disais en tête, la difficulté aussi qui peut être de gérer la pénurie. Voilà. Cette année, on était, c'est pas le cas pour un tas de raisons, mais il a été question à un moment de faire un concours CNRS à 3 postes, 2 postes, sur je sais pas combien de dizaines et de dizaines de dossiers. Bon, les gens, par exemple, de la 40, c'était dit, bon, missionner, ou alors enfin, on va pas jouer ce jeu-là, c'est pas possible, un ou deux postes sur 200 dossiers, ça va être n'importe quoi. Enfin, bon. Donc tout le monde est un peu pris à son niveau, etc. Le deuxième point sur lequel vous avez attiré l'attention, et là aussi qui est difficile, mais où il y a des choses peut-être à penser, c'est les modalités d'action concrètes. Je pense qu'on peut peut-être s'inspirer d'un certain nombre de choses du printemps érable canadien, parce qu'ils ont connu quand même des formes comme ça, très violentes aussi. Et il y a eu une énorme mobilisation, et notamment, ce qui était intéressant, c'est que, je ne connais pas précisément le truc, mais il y a eu une mobilisation à la fois autour des étudiants et autour des familles des étudiants. Et avec une chose assez simple, entre guillemets, mais qu'on attend peu. D'une part, je pense que beaucoup d'étudiants n'ont pas la moindre idée des statuts de leurs enseignants. Pour eux, pour plein d'étudiants, les enseignants sont des enseignants. Enfin, il ne faut pas une différence entre un maître de conf, peut-être avec l'âge, mais ils ne le savent pas. Et je pense qu'il faut leur dire. Parce que dans plein de cas, j'ai même des souvenirs de ça, d'avoir des retours d'étudiants qui disent oui, quand j'étais vacataire, justement, ils disent oui, mais vous êtes tranquille, sécurité de l'emploi à vie, etc. Et c'était évident, mais moi, j'étais tout cool, et tout ça. Alors qu'effectivement, j'ai connu, comme certains d'entre vous, à l'époque des vacations, il y a pourtant un peu plus de 10 ans de ça, où on m'a payé 6 mois après en me disant, et je me souviens encore, pour vous dire, j'étais dans le secrétariat, et on m'a dit, j'espère que vous n'en avez pas besoin pour vivre. Voilà, c'est clair. Ça viendra quand ça viendra, dans 6 mois, ça ne sera pas beaucoup. Donc j'espère que vous n'avez pas besoin pour vivre. Je dis, ben non, en général, c'est pour mon yacht, c'est bien connu. Donc ça tombe bien, c'est juste pour mon yacht. Donc, la logique était déjà, la personne qui l'a dit était gênée de le dire, mais quand même. Et je pense que ça, c'est très important de mobiliser les étudiants et d'expliciter à eux aussi les conditions de travail de leurs profs, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas forcément le savoir, et ça peut les toucher, leur parler, etc. À ce compte-là aussi, puisqu'on est dans une logique de problème de gros sous-sous, je pense qu'il faut leur dire de plus en plus que... vous avez parlé des financements du privé, certes, mais des financements des régions, parce que c'est très important aussi, les liens avec les régions et tout ça, donc avec des thématiques vachement ciblées et tout. Il faut leur dire qu'il y a une source de financement qui n'est pas extraordinaire, mais qui n'est pas inintéressante, ça s'appelle les droits d'inscription. Et donc, un jour ou l'autre, ça risque très sérieusement de monter. Et donc, ils seront les premiers à aller banquer. En tout cas, leur dire, est-ce que vous avez bien conscience que ça n'est pas... du tout une évidence que enfin, ça restera comme ça à vie, etc. Parce que depuis le fameux passage aux responsabilités et compétences élargies, effectivement, comme les facs ont les masses salariales à gérer, payer le chauffage, payer le ceci, etc., voilà, il faut bien trouver de l'argent. Si on ne trouve pas dans le privé, il y a des étudiants à qui on peut faire payer un peu plus. Je pense qu'il faut. faut leur dire, parce que je ne suis pas sûr que ce soit très clair pour eux, et qu'ils puissent le dire aussi à leur famille. Après, je ne sais pas, les modalités d'action, c'est compliqué, parce que vous parlez de Science en Marche, moi, Science en Marche, c'est un des trucs par rapport aux mobilisations des SHS, enfin, je ne peux pas être désolé, mais c'était beaucoup des sciences dures et tout, et c'est vrai que ça on a fait pas mal de manifs, entre guillemets, que de sociaux et tout. On était... Bah, c'était sympa, c'était chaleureux, on était entre nous. Il y avait beaucoup plus de CRS que nous, qui ne comprenaient pas d'ailleurs ce qu'ils étaient là. Non, mais voilà, je présente un peu, mais c'est vrai que c'est un des éléments quand même de ce truc-là, c'est ça. Après, notre difficulté, c'est pour ça que c'est bien la rétention de notes, comme ça, c'est de trouver des actions qui gênent politiquement. Et on est un métier au sens large. Vous arrêtez d'écrire, vous arrêtez de lire, on s'en fout. Hein. Vous arrêtez de faire cours, bon, ça peut gêner les étudiants, donc là, c'est compliqué, quoi. C'est pas comme... Enfin, c'est bête, hein, mais mettre des camions qui bloquent une route, machin. Bon, bah, à un moment, même le politique le plus dur, il va dire, bon, faut que je fasse quelque chose, parce que là, c'est le bazar. Nous, c'est on a du mal. Et je pense que... Alors, c'est pas que ça, sans doute, mais clairement, la mobilisation étudiante, c'est ce qui fait peur aux politiques. S'ils se disent demain j'ai des étudiants dans la rue parce qu'ils n'ont plus de cours, plus de machin, c'est le bazar, ils bloquent une fac et tout, là déjà ils commencent. Si vous dites moi, puisque c'est comme ça, j'arrête de chercher, vous dites ah bon, ouais, c'est bien, voilà. Chez vous, c'est tout ce qu'on vous demandait, tout va bien. Donc, mais après, bon, faut voilà. Je livre ça comme ça, hein, j'ai pas de solution ni à faire. Après, le troisième thème, je dirais, c'est. Que dire ou que faire en direction des politiques. Des politiques au sens de ministère ou député, ou etc. Et là, je pense qu'en gros, il faut leur apporter, entre guillemets, des solutions politiques pratiques. Si moi, j'ai essayé, parce que j'ai eu quelques rendez-vous aussi, ça devient presque incongru de parler de la défense du service public. Quoi. Alors, pour beaucoup, ça paraît... oh là là, c'est cramé, c'est rembrandt, c'est vieillot, etc., etc. Alors... Ou alors ils disent oui, bien sûr, mais enfin ça évolue, enfin en gros ils s'en fichent quand même pas mal. Par contre, il y a un truc, au moins quelques points concrets sur lesquels on peut les accrocher. Le crédit impôt recherche, c'est 1 milliard par an. La Cour des comptes a dit que c'était inefficace, dispendieux, etc. 6 milliards. C'est 6 milliards, mais c'est. Voilà. Et si on peut prendre un tiers de ça ou une partie, je dis ça parce que vous disiez des engagements de l'État et tout. Oui, enfin en partie, mais pas pour tout. Or, l'argent, c'est pas qu'il a disparu, machin, c'est aussi qu'il existe. Donc voilà, dire. Et dire aussi, la Cour des comptes, qui n'est pas donc, une organisation gauchiste, ultra dure, qui a émis de sérieux doutes sur les aides. Donc, leur dire, on ne vous demande pas d'aller trouver de l'argent alors qu'on sait bien que c'est le déficit, c'est la crise, c'est l'horreur. Mais cet argent-là qui va là, pourquoi on n'oriente pas. Ça c'est une chose. Ensuite, je sais qu'il y a un certain nombre de revendications autour du doctorat, de la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives, ce qui est un enjeu évidemment, puisque si après vous êtes embauché sur un truc de master alors que vous êtes docteur, c'est évidemment pas les mêmes grilles de salaire, etc. etc. Ça, ça peut être une revendication qu'il faut réfléchir aussi. Mais, voilà. Et alors le troisième truc, dans certains cas, je pense, on peut essayer de glisser. Puisqu'ils sont beaucoup dans la logique de la concurrence, européenne, voire internationale, etc. Qu'est-ce qui fait que, etc. Moi, je pense que, pour l'instant, en tout cas, on va avoir du mal à lutter avec les États-Unis, ou je ne sais pas quoi, sur la question de l'argent, du fric. Par contre, pour le voir un peu au Sénat, depuis quelques années aussi, il y a pas mal de recrutements de collègues italiens, anglais, allemands, qui viennent pour le statut de fonctionnaire. Qui veulent un statut de fonctionnaire, pas un salaire de des milliers et des cents, mais être tranquille pour faire leur taf. Et qui disent, je n'en peux plus, moi, de faire, parce qu'ils sont dans la même logique, 45 projets, machin, qui sont toujours renouvelés, je n'en peux plus. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un statut protecteur, tranquille, où on me laisse faire mon boulot, où j'ai le temps de me tromper, où j'ai le temps, voilà. Et après, que ce soit payé 2000 euros, 1500. Enfin, ils disent pas, voilà, mais cet avantage comparatif qu'on est en train de détruire, on pourrait juste dire, vous savez, ça, c'est un élément dans la concurrence européenne. C'est quand même un truc que beaucoup de gens, entre guillemets, nous envient en disant, voilà, j'ai longuement discuté avec une collègue allemande, enfin recrutée l'année dernière au CNRS français, et qui n'en pouvait plus, ça faisait 5 ans, qu'elle avait aligné des projets européens sur des projets de machin, avec en plus un stress dingue, parce qu'elle avait à gérer des dizaines de milliers d'euros, ce qu'elle ne sait pas, enfin, sait pas faire. Elle était dans la position d'embaucher des gens, ce qu'elle ne sait pas faire non plus, au sens, pas échanger intellectuellement, mais voilà, le contrat de travail, on fait comment, le fric, on fait comment, enfin, c'était l'enfer. Et elle était bien très, très, très heureuse de sortir de ça pour rentrer dans un statut de fonctionnaire un peu protecteur, etc. Donc je pense qu'il faut rappeler ça un peu aux politiques, le cas échéant. C'est ils sont en train de détricoter un truc qui n'est pas du tout une bêtise, une aberration, un truc qui voilà, c'est en gros les quelques idées que j'ai. Après, par rapport. Je continue. Enfin, des questions. Enfin, après, moi, j'aurais des questions sur vos revendications. Elles sont destinées à qui, pour qui, quand, enfin, tout ça. Est-ce que, par exemple, si je fais du mauvais esprit ou si j'essaie d'être, enfin, si je me mets dans une position, disons, d'être un peu désagréable. Par exemple, vous dites présente des représentants étudiants dans les jurys chargés d'octroyer des bons sur les contrats doctoraux. On pourra facilement vous dire conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, c'est-à-dire est-ce que vous avez réfléchi au problème où des étudiants peut-être en doctorat seraient en train d'attribuer des contrats doctoraux à des collègues ou amis, etc. Comment on gère ça? Non, mais c'est peut-être pas le cas. Mais non, ce que je veux dire. Ouais. Juste parce que, comme on n'a pas des interlocuteurs de très bonne foi, imaginons que je sois l'interlocuteur de mauvaise foi qui voit, voilà, je dirais, ah bah oui, mais non, il n'a pas été jugé parti, c'est doctorant, le contrat de doctorat, c'est, voilà, bon. Pareil, je serais très méfiant, entre guillemets, même si je suis d'accord, évidemment, je vois bien le fond de la revendication. Un doctorant égale un contrat doctoral, oui, je pense que dans la tête d'un bon politique, c'est donc 30% sont financés, les 70% ils arrêtent après leur thèse, voilà. Ouais, bon, et votre revendication, elle est. Vous l'avez. Voilà, vous l'avez. Voilà. Et enfin, peut-être un truc sur les financements de tous les frais professionnels des doctorants aussi, qui peut tout à fait s'entendre et tout. Pour être dans des trucs où on attribue des sous aussi par moment. Là, moi, je serais méfiant, ou en tout cas, je comprends bien la revendication générale sur les abus potentiels, c'est-à-dire qu'on sait quand même, il n'y a pas que les doctorants d'ailleurs, mais qu'il y a des colloques qui sont un peu, des rencontres qui tombent bien, à Marrakech en juillet, on ne sait pas trop qui va parler. Moi je finance, enfin, entre guillemets, dans la position de financer, je ne financerai pas tout et n'importe quoi. Il y a des vrais terrains qui le sont, il y a des vrais déplacements qui le sont, etc. Il y a des trucs où les gens demandent des financements pour des choses, parlons clairement, qui sont bidons. Enfin, ils ont assisté à une demi-journée de je sais pas quoi, on ne sait même pas s'ils ont parlé. Donc, donc là aussi, si on joue à chercher la petite bête et tout ça, voilà. Après, sur le reste, je pense que c'est les espaces de travail, service d'histoire juridique et puis tout ce que vous dites sur oui, les rapports de délibération des jurys, tous ces trucs-là, ça paraît. Voilà, à part que c'est du travail, machin et tout ça. Mais c'est des revendications qui ne paraissent pas la rémunération mensuelle sur les vacations. Quand on n'a pas besoin pour vivre. Voilà. Donc après, c'est ouvert. Christian, j'imagine que vous avez envie de répondre, mais peut-être on peut aussi élargir le débat. Enfin, pour Christian Topalov, je suis le directeur d'études à l'école. Alors, Robin a proposé trois thèmes. Moi, j'ai envie de parler d'abord de qu'est-ce qui se joue entre nous. C'est pas du tout l'essentiel, mais c'est bien de commencer par là, parce que plus on vit des accès entre nous, plus éventuellement vous obtenez des résultats avec nous. Parce que nous, on décide aussi de certains trucs. Plus fort on sera ensemble pour poser les problèmes au bon niveau qui est, je crois, malheureusement, hors de portée de nos réunions. Qu'est-ce qui se joue entre nous? J'ai été très sensible à un point sur lequel vous insistez beaucoup, c'est le fait que les doctorats sont des jeunes chercheurs. Les doctorants sont des jeunes chercheurs qui sont essentiels à la vitalité des labos. La note de l'ARS, pardonnez-moi, je m'en fous totalement. d'autres s'en foutent aussi. Alors, cet argument-là, je préfère qu'on ne l'utilise pas, mais évidemment, les doctorants sont fondamentaux pour les laboratoires. Et ça, c'est un point que vous avez eu raison, enfin, que je ne pense pas assez souvent, quand je réfléchis à ces questions. Maintenant, je reviens concrètement sur les mêmes points pratiquement que Romain. Un doctorant égale un contrat doctoral. Il faut voir qu'à l'HESS, on se bat, je dis on, les nombreux enseignants à se battre, et pour l'instant on gagne, pour qu'il n'en soit pas ainsi. C'est-à-dire pour qu'on ait le droit d'inscrire des étudiants qui ne sont pas financés. Alors, évidemment, la médaille a un immense revers, ça va de soi, avec des situations impossibles pour une partie d'entre eux, et les thèses ne sont pas terminées en grand nombre, en règle générale, chez les gens qui n'ont pas eu de financement. C'est vrai. Mais faut-il appliquer cette règle que le gouvernement souhaite que nous appliquions pas? Ils veulent des thèses en 3 ans, toutes financées, le reste zéro. Ils veulent que le nombre des docteurs de sciences sociales diminue. C'est ça leur objectif. Tous les gouvernements successifs, Sarkozy, Hollande et compagnie. Voilà. Donc, à l'EHESS jusqu'ici, il y a des pressions vers ça. Il y a dans certaines disciplines, l'économie, ils ont commencé à appliquer ça. Tous les gens qui s'occupent de sciences cognitives, parce qu'ils sont en interface, n'est-ce pas, avec l'ENS, avec les biologistes, etc., ils commencent à appliquer ça aussi. En linguistique, on commence à appliquer ça. Et on est de nombreuses disciplines quand même, mais un peu une discipline cœur de l'institution, à se battre contre ça, pour empêcher ça. Pour que les gens puissent faire leur doctorat, s'il le faut, en 7, 8 ans, moi je fais soutenir des gens qui se sont inscrits avec moi il y a 15 ans. Voilà, ils ont fait autre chose entre-temps, ils ont le droit de devenir docteur. Donc c'est la rigidité qu'on nous oppose, il faut la combattre, et là-dessus, moi, je suis sans nuance. Alors, il faut quand même pas oublier non plus que la moitié de nos inscrits viennent de pays étrangers, ont, pas toujours, mais assez souvent, des financements de leur propre gouvernement. Les historiens, par exemple, sont assez souvent des professeurs du secondaire. C'est pas pour justifier le taux insuffisant de 10% de contrats doctoraux, je ne suis pas en train de plaider pour le gouvernement. Mais faisons un peu dans la nuance et voyons effectivement l'ordre de grandeur réel du problème, qui est considérable, mais qui n'est pas bien symbolisé, à mon avis, par le chiffre des 10%. Donc, moi, je crois qu'il faut essayer de continuer à inscrire des gens qui ne sont pas financés. Alors, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais vraiment, je crois que c'est essentiel pour les gens en question qui veulent devenir docteurs, qui veulent faire de la recherche, qui sont des passionnés. Bon, et puis, c'est essentiel pour l'institution aussi, etc. Donc, ça, c'est un point que, pour ma part, je tiens énormément. Alors, il y a un autre aspect qui me gêne, qui me rend évidemment un peu mal à l'aise, c'est que, au fond, vous nous dites, bon, dans les labos, vous nous exploitez, quoi. Alors, on est de la main-d'œuvre, corvéable, merci, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, je passe des heures et des heures et des heures de mon temps à vous lire, chers amis, et c'est vraiment gratuit. Voyez, bah, vous me direz, c'est mon boulot. D'accord. Enfin, mais tous ne le font pas. Je suis d'accord aussi. Mais enfin, soyez un peu fraternels, parce que il ne faut pas déconner, quand même. On donne beaucoup, beaucoup, beaucoup, et c'est normal, c'est notre travail. On aime ça. On aimerait que vous l'aimiez un petit peu aussi. Mais alors, le côté va faire travailler sur des fonds de recherche les doctorants. Alors, est-ce que c'est juste ça? Par exemple, on peut, parce que on peut se poser vraiment la question. Bon, on peut se demander si la division du... Je n'ai pas compris, vous disiez faire travailler sur... Il y a des contrats de travail, n'est-ce pas? Il y a des contrats de recherche du type AEDER, mais il n'y a pas que ça, il y en a de toutes sortes. Il y a pas mal de... Enfin, on peut avoir envie, besoin, croire avoir besoin de faire travailler des jeunes chercheurs sur ces contrats pour une période courte, n'est-ce pas, pour exécuter le contrat. On peut le faire propre. Je plaide pour ma chapelle, excusez-moi. On peut le faire proprement. On peut définir des tâches qui soient des tâches pas trop absurdes. Vraiment, on sait faire ça, je crois. On peut essayer que le truc soit en rapport avec le sujet de thèse. Ça ne sera pas le sujet de thèse, c'est pas le thèse. Qu'est-ce qu'il faut à propos d'ailleurs des financements importants. Est-ce qu'au fond, est-ce qu'il faut qu'on s'abstienne de rémunérer un doctorant pendant 3 mois sur un job à court terme qui peut servir, c'est vrai, à l'enseignant et aussi contribuer à cette formation? Est-ce qu'il faut qu'on arrête ça? Est-ce que c'est la question que je vous pose? C'est pas grave, mais bon. Une remarque sur ce point, je suis un peu trop bavard peut-être. L'ANR ne veut pas de ça. L'ANR veut qu'on paye des post-docs. L'ANR veut qu'on fabrique de la précarité en masse à la sortie du doctorat. Je crois que la politique consiste à dire, avec l'argent de l'ANR, on on aide des gens. Peu paternaliste. On permet à des doctorants non financés de tenir le cours, c'est pas une politique absolument stupide, dans le cadre qui vous est imposé, évidemment, on travaille dans un cadre. Là-dessus, c'est ouvert. Dernière chose, c'est sur la distribution des allocations. Je pense qu'il est absolument, là je vais vraiment dire le sens de ma logique, ce que je pense, il est absolument exclu qu'un doctorant participe à un jury de distribution des allocations. Je veux dire, c'est pas votre boulot. D'abord, vous n'avez pas la compétence, excusez-moi, c'est les profs qui font ça. Il est fort, hein. Bon, et d'autre part, c'est inacceptable par les autres, enfin, je veux dire. Alors, qu'il y ait une surveillance de la propreté des procédures, qu'il y ait un rapport donné par les jurys à la fin du concours, c'est du concours, hein, un rapport en disant voilà comment on a travaillé, voilà les critères qu'on a appliqués, que les critères s'avancent à l'avance, tout ça il faut. Et il est important que les représentants des étudiants, excusez-moi, vous êtes aussi des étudiants, soient dans les conseils des formations doctorales et des formations de master pour être très vigilants sur ce point-là. Mais participer aux décisions individuelles, ça me paraît monstrueux. Voilà, donc pour ma part, je suis contre. Et ça sous-estime aussi un autre point, c'est que finalement, les décisions qui relèvent de nous, les profs, elles deviennent minoritaires en matière d'allocation doctorale. C'est à la région qu'on décide des allocations. C'est plus nous. Alors nous, on se bat entre formations doctorales. Vous savez, il y en a trois qui vont circuler, qui sont en concurrence entre les. Voilà. Donc on se bat sur les trois. On essaye de faire les choses. On pense assez proprement. Il y a des rapports, il y a des contre-rapports. Bref, toutes les procédures soient. Et c'est à vous de vérifier que les procédures sont correctes. Mais au total, c'est ailleurs que ça se passe. Le nombre d'allocations où on n'a plus la main, tout simplement parce que vous êtes obligé de travailler sur des trucs où vous n'avez pas nécessairement envie, mais parce que l'entreprise intègre, il y a quand même les contrats chiffres. Il ne faut pas cracher dessus, ça fait quand même un peu de financement, mais enfin, ça a des conséquences, c'est des conséquences fortes. Et la région qui n'est plus que d'études de genre, je ne suis pas contre, que d'études sur les inégalités, c'est très bien, mais alors vous faites autre chose, pas d'argent. Voilà, cette espèce de cornaquage, de pilotage politique de la recherche, c'est une monstruosité sur le fond. Mais une des conséquences, c'est que c'est pas nous qui décidons, c'est les conseillers régionaux. Voilà, je vous laisse simplement dire ça sur la question de la transparence des procédures. Monsieur le Président, HES, oh non, les conseillers régionaux, ce sont des corps élus. Vous voulez répondre, sinon il y a une question qui vient. Peut-être qu'on pourrait agir dans la salle d'avant. D'accord, ok. Attends. Non, je voulais juste rajouter quelque chose plus. Oui. Pour insister encore, sans bien sûr donner beaucoup plus d'informations, c'est pas ça, mais je crois que vraiment il faut insister sur ça et sur ce qu'on peut imaginer, ce qui est déjà, suggéré sur nos listes que nous voyons passer tout le temps, c'est-à-dire qu'à terme, avec la régionalisation, ce sera des pans entiers, des sujets entiers, pas seulement à l'intérieur d'un sujet, la sélection de certains thèmes qui leur plaisent, mais des pans entiers qui vont disparaître. Ensuite, ce qui va disparaître, ou ce qu'ils espèrent faire disparaître, c'est justement tout ce qui est national, genre le CNRS. Donc c'est à terme, c'est vers cette perspective-là qu'on va. J'espère évidemment avoir tort, mais disons, notre possibilité de décision a été déjà minime, a été éliminée à l'intérieur. Donc quand on nous a obligés d'entrer dans le commun, parce qu'on nous a présenté, c'est pas qu'on nous a dit est-ce que vous avez envie d'y entrer, on nous a présenté une série d'alternatives toutes horribles, et alors on a choisi l'alternative à la fin la moins horrible, justement parce qu'elle était par ailleurs, et là je suis pas d'accord avec vous, il y avait l'idée d'uniformité, et ça c'est la mort de la recherche, l'uniformité. Il faut pouvoir dire plus, il faut être moins opaque, mais nous avons choisi entre guillemets d'entrer dans la commune dans laquelle nous sommes maintenant, parce que c'était la moins unifiée, et donc ça nous donnait la possibilité d'avoir un peu plus de choix, à la fois bien sûr sur comment on pouvait suivre les étudiants, mais aussi sur la possibilité pour vous de choisir quelque chose. Donc voilà, c'est vrai que j'ai soulevé plusieurs points, mais c'est plus. Et nous-mêmes, titulaires, si nous sommes à la rue, c'est pas tellement pour nous, c'est pour assurer la continuité d'une recherche libre, parce que nous avons encore le peu que Fioraso nous laisse, parce qu'elle a donné tout l'argent aux nanotechnologies, mais disons, c'est plus dans la perspective de notre futur. Mais peut-être qu'il y a des éléments plus concrets qu'on peut ajouter à ça, que j'ai pas vu passer. Je crois que la tribune voulait répondre. Bien sûr, mais c'était général. Oui. Déjà, sur le statut de ces revendications, je pense que ça va commencer à clarifier les choses. C'est pas. Donc, sur à qui elle s'adresse, comme on l'a un peu dit, c'est pas des revendications au sens propre, au sens où il n'y a pas un mouvement de contestation qui est suffisamment fort pour aller voir Pierre Cyril Hautecoeur et lui dire bon voilà, nous on veut ça, ça, ça. C'est plus des pistes de choses que, à partir de nos discussions et de l'échange de nos expériences, de dire bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour remédier à tel ou tel point. Donc voilà, ça a ce statut-là de proposition, c'est pas fixé, c'est un début de réflexion. Donc évidemment, c'est amené à évoluer avec les discussions. Alors, sur la question des représentants étudiants dans les jurys, on proposait pas qu'ils aient le droit de vote, qu'ils sélectionnent, mais que des représentants puissent assister aux délibérations avec cette idée de transparence et de dire, bon bah voilà, si ça se passe correctement, il n'y a pas de raison que les représentants étudiants puissent pas assister à la délibération. Enfin, c'était ça notre réflexion, et pas l'idée que les représentants étudiants allaient sélectionner. Et comment vous les choisissez, ces représentants étudiants qui vont assister à la délibération sans rien dire ? Les élus, les représentants élus. Ouais. Donc ils sont élus par les autres doctorants ? Par les étudiants, les représentants. Alors, je ne sais pas. Il y a des représentants élus, ou elle est libre pour l'école doctorale. Il y a des représentants élus, membres du conseil d'école doctorale. Voilà, je pourrais très bien, à ce titre-là, participer aux délibérations au sein de l'école doctorale sur l'attribution des bourses offertes par le HESS. Des contrats offerts par le HESS. Après, encore une fois, c'est des pistes de réflexion à partir de nos discussions et de ce problème voilà, qu'on retrouve partout, de l'opacité de l'attribution des contrats. Sur la question on trouve que c'est pas normal de se retrouver dans une situation de précarité quand on est un doctorant non financé. Évidemment, pour nous, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas de financement, on doit leur interdire de faire un doctorat. Et il y en a plein d'entre nous qui font un doctorat sans financement, qui sont attachés à ça. Et il n'est évidemment pas question pour nous d'arriver à une sélection des doctorants sur le critère du financement ou pas. Alors après, est-ce que, je ne sais pas si on peut imaginer un statut d'auditeur libre ou je ne sais quoi, de façon à formaliser le fait que, bah si, en fait, il y a des gens qui n'ont pas de financement, mais qui vont quand même pouvoir faire leur doctorat. C'est des choses à réfléchir, comment on fait ça. Mais voilà, c'est très clair pour nous qu'il ne s'agit pas de sélectionner. Vous parliez aussi des questions de rapport de pouvoir, d'abus éventuels entre titulaires et doctorants. Il ne s'agit pas de dire que c'est le cas tout le temps, que vraiment on est absolument maltraité par les titulaires, mais c'était plutôt d'insister sur le fait que le contexte général rend extrêmement difficile de dire ces choses-là, de les avouer, déjà de se dire entre nous, mais alors encore plus d'obtenir un gain de cause, on sait que c'est extrêmement périlleux et la plupart du temps ça ne se passe pas, donc c'était plutôt d'insister sur le problème de l'indicible plutôt que de remettre en cause les titulaires. Enfin, dans la majorité des cas, ça se passe bien. Il y a des cas où ça se passe plus ou moins bien, selon les moments. Mais évidemment, on reconnaît que la plupart des chercheurs font un très bon travail, ils nous encadrent. Enfin, voilà, je pense que sinon, on ne serait pas là non plus. On ne serait pas autant attaché à notre doctorat. Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Le nous, c'est les enseignants qui fréquentent les étudiants dans les langues. Ensuite, il y a une autre catégorie, c'est les dirigeants de l'institution HESS, université, etc. C'est un peu différent. Et c'est à ce type d'acteurs qu'ont affaire les personnes administratives des universités. Donc, cela, j'en parle pas. Mais au sein des labos, il y a différentes pratiques en matière de rémunération du travail. Et là-dessus, là, vous pouvez nous accrocher. Enfin, je crois que c'est fondamental que vous ayez une sorte de vision de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Bon, le travail gratuit, c'est mauvais. Les vacations, je m'en aperçois mieux en vous écoutant, c'est certainement pas la meilleure solution. Et de temps en temps, on a le choix entre un CDD et une vacation. Nous autres, à notre petite échelle, rien du tout. Merci. Voilà, on contrôle un petit budget, on peut choisir de donner une rémunération. Si vous êtes très clair sur le type de choses que vous ne voulez pas, le type de choses que, non pas vous voulez, ce serait beaucoup dire, parce que c'est pas terrible. Enfin, voilà. Et puis sur la définition, qu'est-ce que le profil d'un CDD pour un doctorant, quels sont les éléments de contenu qualitatif aussi sur lesquels vous voulez que l'association a la signature, sous une forme adaptée au type de job. Si les gens ne suivent pas, ils ne signent pas comme auteur, mais il faut que le nom de la personne, par exemple, figure dans toutes les publications qui reposent sur telle base de données qui a été saisie par un doctorant. C'est essentiel. Enfin, il y a peut-être, c'est pas très glorieux comme revendication, bien sûr, hein, mais il faut aussi penser au quotidien, parce que... Voilà. Donc, peut-être qu'il y a à donner du grain assez fin, disons, à ce que vous exigez quant à votre statut économique, on va dire, au sein des labos, indépendamment de la question du contrat de travail. À la limite, ça nous aidera à faire moins d'erreurs. Donc, c'était tout. Juste une toute dernière information par rapport au fait de scolarité. C'est effectivement un risque et c'est dommage que les mails de Solidaires étudiants ne parviennent jamais sur les listes TLM. Parce que hier, on a organisé une réunion publique en présence d'un collectif de chercheurs qui publie aujourd'hui ou demain un ouvrage sur les frais de scolarité. Et qui explique effectivement que c'est dans le collimateur, que ça ne va pas tarder d'arriver, qui démonte les arguments en faveur des frais de scolarité et qui propose un projet alternatif de financement de l'éducation avec une allocation d'autonomie pour les étudiants. Donc je pourrais vous fournir la référence si ça vous intéresse, mais en tout cas, c'est des questions qui sont évidemment dans l'air et qui sont prises en charge par des chercheurs. Mais comme il y a un vrai politico-syndical en partie de certains, en tout cas, entretenu là-dessus, mais non, c'est délirant, ça n'a... Je pense que même si c'est à titre... je pense que c'est aussi un truc qu'il faut dire, parce que je pense que beaucoup d'étudiants vivent dans la tranquillité que ça va pas... Ah, ils voient bien que leur salle de cours, elle est plus pourrie, qu'ils font des compositions à 11 degrés dans l'amphi, que donc ça, ils voient bien quand même qu'il y a plein de problèmes, ils manquent une fenêtre, tout ça. Enfin, je pense qu'on a plusieurs à avoir vu ça dans des facs. Par contre, ça, c'est pas encore... c'est pas forcément intégré, quoi. Et en fait... quand vous êtes PU et que vous avez un budget à gérer, à un moment, vous cherchez de l'argent, vous cherchez, voilà, vous avez comprimé tout un tas de trucs, le gel des postes c'est évident, on va pas rénover tel truc c'est évident, et puis à un moment, tiens, j'ai combien de centaines d'étudiants, de milliers d'étudiants qui payent, pas grand chose quand même, un petit peu plus. Ah, et pour revenir sur ce que vous dites, je suis pas sûr que les étudiants s'en rendent pas compte. En fait, la précarité, ça touche pas que les doctorants, mais très directement aussi les étudiants qui sont en plus forcés à devoir travailler pour payer leurs études, dont les frais d'inscription. Donc, je pense que c'est des choses dont les étudiants ont conscience, mais ont peut-être de plus en plus conscience. Juste pour revenir sur ce que disait Eldeza sur la présentation qu'on a faite, on c'était Solidaires étudiants HESS, pas le collectif contre la précarité. Et à mon avis, cette demande-là d'allocation d'autonomie, mais plutôt de salaire socialisé, elle est intéressante. Parce qu'elle fait justement porter cette problématique de la précarité étudiante sur la collectivité. Et c'est véritablement redonner sens en fait, aux études et considérer les étudiants comme des travailleurs en formation, ce qu'ils sont effectivement. D'accord ? Très bien, c'est une revendication. Mais oui. C'est des revendications qui sont vieilles, mais on fait des meilleures, confitures dans les plus vieux pots. Pour le coup, le livre revient pas effectivement, enfin revient plutôt sur les années de master. Donc moi, je pense personnellement que la question de salaire socialisé peut aussi être allouée pour les doctorants. Et ça permet justement d'éviter ces relations individuelles entre le prof et l'élève à partir du moment où le financement est un financement étatique. Qui passe par ce biais-là. Donc, à mon avis, c'est des réflexions qu'on doit mener, qui sont peut-être qui apparaissent comme radicales, qui supposeraient beaucoup d'argent, mais en fait, comme le montrent les auteurs, c'est assez facile à faire. C'est assez facile. Avec une volonté politique. Avec une volonté politique, bien sûr. C'est vraiment des fous, mais. oui, non, mais par exemple, les comités, c'est un truc qui est intéressant aussi pour sortir de la logique éventuellement de soumission, de. C'est des trucs à réfléchir et à réfléchir je pense des deux côtés pour que ça ne devienne pas un truc d'angoisse supplémentaire pour le temps qui dit je suis arrivé là, mais en plus j'ai été élevé dans la comité, puis je pense que c'est une espèce d'accumulation de le faire intelligemment pour tout le monde, ça peut être. Nous avons trois demandes de prise de parole. Joël, d'abord. Je veux revenir sur, sur la LRU. Je crois que la présentation que tu as faite de la LRU est un petit peu partielle. Et j'irai à l'inverse de Christian, je vais taper sur le milieu. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, la LRU, ça a été exactement le bon moyen d'utiliser seulement le milieu et ses vices, en fait, pour transformer le système. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse le budget aux universités. Donc, qu'est-ce que font les collègues? Ils se servent avec des primes d'excellence qui correspondent quand même environ à 1000 emplois. Le plafond d'emploi, on est toujours en dessous, dans n'importe quelle fac. D'accord. Il y a les enseignants, mes collègues, qui font des heures supplémentaires à tir d'arigot, qui vont doubler leur salaire, pas faire de recherche et compagnie. Donc, il y a effectivement un gisement d'emploi là-dedans, mais en fait, les gens se servent. Quoi. Donc, en gros, je pense que la LRU, ça permet aux vices cachés que le gouvernement veut faire sortir, de révéler. Quoi. Et donc, avant même de demander une augmentation de fric, de budget, déjà, on réglerait ce problème-là, et après, on demande l'augmentation, déjà, ça rendrait beaucoup le système. Un autre ordinaire, mais qui est un peu pareil, c'est qu'il y a eu un changement dans le doctorat, dans le contrat doctoral il y a quelques années, qui est important. Donc là, c'est pour les gens qui ont une allocation, un salaire de doctorant. Le doctorat, quand moi j'étais doctorant, en fait, on était libre, la thèse de doctorat, donc l'allocation, était allouée au doctorat. Aujourd'hui, la thèse, le salaire est alloué à l'université, voire au labo, en fait. Et donc, le doctorat est complètement lié. Bon, à mon époque, j'ai eu des copains qui ont changé de la bourse, ça dépend, ils sont partis avec leur bourse. En fait, ce soir, je viens de prendre conscience d'un truc qui est clair dans le domaine du travail, mais c'est que la précarité, en fait, elle forme les jeunes à devenir exactement comme leurs aînés, aussi vicieux, c'est-à-dire à se foutre des primes d'excellence, voilà, parce qu'on les met en concurrence, c'est exactement ce qu'on a à nous, d'accord. Donc on est en train de formater, en fait, une génération à se comporter exactement comme le veut la LRU. C'est-à-dire exploiter vraiment les vices de chacun. Mais c'est libéralisme, hein, on exploite les vices du boulanger. Le boulanger ne fait pas du pain parce qu'il aime faire du pain, c'est juste parce que ça lui ramène de l'argent. Est-ce que je voudrais dire très rapidement, je suis d'accord avec vous sur le fait que la LRU et plus généralement cette transformation, c'est très malin parce que ça joue sur, aussi sur l'éthos de la recherche où on veut être valorisé. Il y a alors c'est une émulation qui devient de la concurrence, mais ça c'est très bien joué sur ces choses-là. Enfin, c'est pas purement des choses qui sont apportées de l'extérieur, ça utilise les fonctionnements internes de la recherche. Quoi. Donc, ouais. Ceci dit, pour revenir sur la LRU, je pense que ça soulevait. Enfin... J'ajoute juste un truc en plus. Le fait que le privé puisse aller dans cette administration. On les voit jamais. En fait, le privé, c'est pareil, c'est les gens qui le fournissent eux-mêmes. Quoi. C'est-à-dire que la politique de recherche par projet, elle pousse les gens à se privatiser eux-mêmes. Quoi. Et en fait, nos collègues, ils se privatisent eux-mêmes tout seuls. Moi, ils n'ont pas besoin de patron à côté pour se privatiser. Je vois, ils sortent des conneries avec des projets, ils savent tous les 6 mois ce qu'ils vont faire dans les 3 ans à venir. Quoi. Enfin, même dans les boîtes, on rigolerait. Quoi. Enfin, ouais. Peut-être qu'effectivement il y avait beaucoup de choses qui existaient déjà avant, beaucoup de pratiques qui existaient avant avec la LRU. Elles étaient justement camouflées. La LRU a permis de les ressortir. Oui. C'est ça, vous avez raison, la LRU, elle est néfaste. Elle favorise ce genre de choses. Avant c'était. Bon, Mais je pense que la question qu'elle pose surtout, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on attend de l'université à partir du moment où. Où effectivement, on fait plus de la recherche pour comme une fin en soi. On fait de la recherche parce que c'est un moyen, parce que enfin, on veut une recherche qui soit rentable. Et je pense que la LRU, bon, effectivement, il y avait beaucoup de dysfonctionnements avant. Je veux dire, avant la LRU, il y avait déjà des budgets au niveau des universités qui étaient à râler pas crête. Il y avait déjà pas d'argent. Il y avait déjà le SR n'est pas une priorité politique depuis des décennies. Mais je pense que ça a vraiment accentué une certaine vision politique de ce que peut être l'université. Et je pense que il y a des débats là-dessus qui sont importants. Il y a des choses qui seraient à discuter. Je repense, je disais Gérard Noriel il n'y a pas longtemps. dire la vérité au pouvoir. Il y avait une phrase qui disait sur les origines de l'intellectuel qui était de parler au nom des opprimés. Alors ça fait frémir beaucoup, ça peut faire frémir aujourd'hui parce que l'idée c'est plus de parler au nom des opprimés, l'idée c'est de donner des outils aux opprimés pour qu'ils s'expriment tout seuls. Mais il y avait vraiment un idéal dans ce que c'était que la figure de l'intellectuel. Il y avait des convictions, il y a des convictions politiques. Aujourd'hui, enfin, il y a voilà de se battre pour plus de justice sociale, de se battre. Et pour moi, l'université, c'était ça aussi. Je pense que la LRU achève de piétiner l'idéal que l'université pouvait incarner pour une partie d'entre nous. Et voilà. Et ça pose question. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a clairement des gens qui pensent que bah oui, l'université, elle doit aussi, pourquoi pas, permettre à des jeunes de trouver de l'emploi dans le monde de l'entreprise, permettre. Mais voilà, c'est ça qui me pose question sur la LRU. En fait, c'est la participation. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, les comités de sélection, depuis que c'est passé, moi, je n'ai plus droit à un seul. La NR, je dépose plein de projets, mais j'en référence surtout aucun. Quand j'en reçois, je dis, non, je suis désolé, j'ai pas de temps. Donc si tout le monde faisait ça, évidemment, ça s'engorge. Il faut faire ça. Bien sûr. C'est au tour. C'est... Oui. Moi, je suis doctorante aussi à l'HESS, avec un financement. Je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les rapports entre enseignants, chercheurs et doctorants. Et en fait, je pense que c'est vraiment très important, ce qu'on a dit tout à l'heure sur ce que tu disais sur le statut un peu étrange des doctorants, qui sont à la fois des étudiants et des chercheurs, et selon les contextes, il y en a plus ou moins un qui est mis en valeur. Et en fait, sans vouloir du tout créer, il ne faut pas chercher à créer l'antagonisme entre les chercheurs et les doctorants, parce qu'on a besoin des chercheurs pour améliorer le statut. À la fois, quand vous dites, nous aussi on réalise du travail gratuit, entre guillemets, pour vous, on fait beaucoup de choses pour vous. Mais on est payé, j'ai pas de voilà, non, pas, en tout cas du travail supplémentaire, mais je sais pas. Bon, comment dire, c'est pas la même chose, quoi, parce que vous avez le choix. Bon. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font, et c'est bien, mais il y en a aussi quand même pas mal qui le font pas. Et donc, alors que quand on a un doctorat, on nous demande de faire quelque chose en plus de notre travail. On n'a vraiment pas le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et donc ça, faut pas oublier. Et on vous demande, enfin réellement, Moi, j'ai de la chance de travailler dans un super centre où les chercheurs font très attention aux doctorants et ça se passe très bien. Mais je vois dans mon environnement que ce n'est pas du tout la majorité des cas. Vraiment. Et oui, bien sûr, on va demander aux doctorants de participer à l'organisation de cette journée d'études, d'être dans le comité scientifique de l'organisation du colloque. Ça prend des heures et des heures et c'est du travail qui soit n'est pas rémunéré, soit va être rémunéré avec, comme vous disiez, une vacation, mais qui finalement va pas du tout correspondre en nombre d'heures de travail, en nombre d'heures rémunérées. Et ouais, et quand on explique. Non, mais je sais que c'est pas facile de la part des financiers ce genre de choses, et que même souvent les doctorants peuvent être contents quand, parce que c'est une opportunité, etc. Mais disons que c'est compliqué de comparer le travail que font les chercheurs pour les doctorants et le travail que les doctorants font pour les chercheurs, parce que c'est pas le même statut, c'est pas un travail. Et juste en lien à ça, ça me rappelle quelque chose que quelqu'un, j'avais assisté à une des AG qui avait été organisée par le collectif. Il y avait quelqu'un qui était un personnel administratif qui avait dit, en gros, je sais plus qui avait dit ça, mais quelqu'un avait dit, il faut pas, sous prétexte qu'on aime notre métier et que la recherche pour beaucoup d'entre nous c'est vraiment un choix et quelque chose qu'on a décidé de faire, il faut pas accepter de faire des choses qui en gros sont des insultes au droit du travail. Quoi. Et il y avait quelqu'un qui disait, bah, là, cette année c'est l'anniversaire de l'HESS et on nous invitait à participer aux commémorations. Voilà. Et en fait, on a parlé avec nous. Donc c'était une dame qui parlait et qui disait, moi j'ai pas envie de faire ça, m'intéresse pas. Ça veut plus rien dire de travailler à l'HESS. C'est trop dur, quoi. Et ça m'avait beaucoup touchée, je m'étais dit, ben oui, effectivement, mais. Certes, on aime notre travail pour la plupart d'entre nous, mais il faut pas que ça nous fasse accepter des choses. Sophie, tu avais... Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Christian tout à l'heure par rapport à la mention des étudiants, des doctorants qui ont participé à des projets quand les articles sont publiés. Et ça, ça passe pas. Dans beaucoup de labos, ça passe pas, ou peut-être des individus. Et bon, je le vois personnellement autour de moi, des jeunes doctorants que je connais et qui se trouvent à passer des semaines de travail pour un M2 par exemple, pour permettre à leur directeur de mémoire ou leur chef de stage de publier un article. Ils ne sont même pas sûrs que leur nom va être dans les arbres, va être dans, la, dans le... Et là, ils sont en train de passer des semaines pour que l'article puisse... pour livrer leur résultat sous une forme qui puisse être intégrée facilement dans l'article. Et ça, je crois que ce n'est pas du tout une exception. On croit que... En sciences dures, c'est une exception. C'est vraiment une exception. C'est en sciences dures l'exemple que j'ai, mais bon. Mais bon, peut-être que les noms des étudiants vont être dans le. Mais ils n'en sont pas du tout sûrs. Sciences dures, c'est médecine. Non, biologie, enfin. Après la thèse, il n'y avait pas ton nom dessus. Christian, tu as la parole, c'est bien. Regarde-la. Non, je voulais un peu réagir à ce que disait Joël tout à l'heure. On a eu une discussion sur la culpabilité collective de l'exclusion universitaire. Mais je voudrais juste avancer une idée qui va dans le sens du propos un peu idéaliste de Lisa tout à l'heure. D'abord, je crois quand même que dans l'ensemble, les gens qui font ce métier dans l'ESR, ceux que vous appelez les titulaires, qui ne sont pas tous d'ailleurs, ils le font parce que c'est parce qu'ils aiment ça et parce que pas pour gagner du pognon. Parce que si vous voulez gagner vraiment de l'argent, je pense qu'ils iraient ailleurs. On peut très bien ne pas être capable d'aller dans le privé, ce qui serait mon cas, par exemple. Je serais totalement inefficace. Mais quand même, dans l'ensemble, on a un monde qui vit parce qu'il aime ça. Je crois aussi qu'on travaille. Pas pour l'argent, on travaille parce qu'on a peur. On travaille parce qu'on a peur du regard d'autrui. C'est ça, à mon avis, la racine essentielle qui fait bouger les universités. Hein. Soit par vanité, il y en a qui sont vaniteux de culture, et les autres, simplement, ils veulent faire bonne figure. Moi, je crois que c'est ça, le cœur du ressort. C'est pas tellement les primes, c'est ça, c'est... Alors on peut appeler ça aussi, enfin ça a des aspects de compétition. Bon. Voilà. Donc on fait ça comme ça. Et il y a un point sur lequel, à mon avis, on peut en fait se retrouver titulaire et précaire côte à côte, c'est que on ne fait pas de bonne science avec un travail précaire. Ça ne veut pas dire que les précaires ne font pas du bon travail. Mais simplement, globalement, pour développer nos disciplines correctement, on travaille infiniment mieux avec des gens qui ont du temps devant eux, qui ont la liberté de la lecture, qui ont l'autonomie de dire non, ça je ne veux pas le faire, etc. C'est une expérience commune. Et j'ai pas mal de collègues qui, au moment où les postdocs ont commencé à exploser il y a 4-5 ans, se disaient bon, c'est bien, on va faire une petite équipe avec des plus jeunes, bon, ben, les postes au CNRS sont trop rares, et puis s'ils partent comme mail de compte à Montpellier, de toute façon on travaille comme ça, parce que c'est un peu compliqué, les postdocs c'est bon. Et bien au bout de 3, 4, 5 ans de postdocs, avec des gens qui tournent, avec des gens qui sont obligés de préparer le projet suivant, et alors qu'ils ont à peine commencé celui qui est en cours, etc., tout le monde du côté des titulaires se rend compte que ça ne marche pas bien. Les gens ne sont pas contents, les gens, dès un postdoc, il est formidable celui-là ou celle-là, je l'ai gardé 2 ans, il trouve un poste, il s'en va, etc. Donc ce mode d'organisation de la recherche ne permet pas de tisser des rapports de travail durables. C'est l'histoire du turnover qu'on trouve dans les services aussi. Hein. On a besoin de stabilité et on a surtout besoin d'égalité dans les rapports de travail avec les gens pour bien travailler ensemble. C'est fondamental. Et ça, je pense que c'est quand même prêche. Bon, alors, il se peut qu'en biologie, on adore d'avoir une armée de petites mains qui fait tourner les moulinets. Voilà. Bon, c'est possible qu'il y ait effectivement des cultures professionnelles assez différentes. Mais dans nos disciplines de sciences sociales, moi, je prétends que voilà, et ça, c'est une base pour lutter côte à côte. C'est une base un peu abstraite, quand même, pour lutter côte à côte. Alors, Je voudrais encore dire peut-être un mot sur la question des post-docs, parce que là, évidemment, on a surtout parlé des doctorants, des jeunes chercheurs qui sont doctorants, mais il y a des jeunes chercheurs qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, là, des doctorants sans emploi, des doctorants sur post-doc, etc. Alors, genre, ils sont plus représentés dans notre monde aujourd'hui, mais au fond, quelles sont les revendications qui seraient importantes d'avancer pour cette catégorie qui finalement devient, enfin, ça représente des milliers, sinon des dizaines de milliers de gens aujourd'hui, dans toutes les disciplines. Et moi je pense que ça n'a pas pris corps, mais pourquoi ne pas demander un plan d'intégration dans les organismes normaux de recherche ou dans les universités, peu importe, de ces gens qui travaillent depuis suffisamment de temps pour avoir fait leurs preuves. Bref, un plan d'intégration des précaires dans les cadres normaux. Et engageant les postes de titulaires qu'il faudrait créer, sur tout simplement les financements qui existent déjà à l'ANR. On prend l'argent de l'ANR, on dit adieu à l'ANR, on donne l'argent au CNRS, aux universités pour créer des postes. Alors c'est une décision politique, évidemment. Mais c'est à l'encontre de toute la philosophie en cours. Mais je me demande s'il n'y a pas une revendication de grande ampleur de ce type à essayer d'élaborer et de porter pour que les luttes unifient, au moins pour les gens qui sont sur eux. Mais il n'y a pas, c'est une sobre-indication, je pense que toutes les personnes là-dessus, on était tous d'accord, c'était en veut des postes. Pérennes, donc il y a des postes, des maîtres de conférences qui s'est créé, etc. Et que la dernière fois qu'on en avait fait, c'est pour ça que les gouvernements ils ne s'attendaient pas, parce que c'est ça, on ne voit pas des autres. Ils n'ont pas envie que. Bah, parce qu'on sait que c'est des décisions politiques et que l'ANR, en 2012, il avait les correspondants à 6 000. CVD, donc l'argent il y a, parce que nous on demandait 5 000 postes avec ce même argent des titulaires par an, et ça résoudrait vraiment les problèmes de la précarité. Mais on sait que c'est une décision politique, et quand on demande que des postes, pas des petites manières concrètes, de on veut plus de ça, moins de. Non, nous on disait toujours c'est niette, on est 50 000 contractuels. Dans l'enseignement supérieur de la recherche, sans compter tous les doctorants non financés. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait une pétition de 50 000 précaires. Et donc, on disait, bon, on est 50 000, on veut 5 000 postes par an, et comme ça ira, parce qu'on sait que dans l'ANR, c'est 6 000, l'argent des 6 000 postes qui va chaque année. Donc, on disait, bah, l'argent, il est là. Mais ce sont des décisions politiques. Donc, après, c'est vrai que quand on a une seule revendication, mais que de l'autre côté, on n'est pas entendu. Mais, d'abord, Romain. Tu pourras agir un petit peu à ce que disait. Le problème, c'est que là, moi, j'ai l'impression qu'on est tous à dire pour faire de la recherche, il faudrait faire ça, il faudrait avoir des postes, il faudrait. On suppose que les personnes qui nous représentent dans l'espèce de truc que tout le monde a l'air d'appeler démocratie qui existe en France, là, veulent qu'on fasse de la recherche. Or, c'est naïf, excuse-moi, c'est naïf. L'espèce de bande de valets serviles, faiblement cortiqués, qui s'appellent parlementaires en France, n'ont absolument pas envie qu'on fasse de la recherche. C'est bien ça le problème. Alors, pour ce qui est des contrats, pas des contrats doctoraux. Je suis tout à fait. Bah, c'est pas vrai. Ouais, en fait, si. Ouais. Non, mais ces gens-là sont élus comme on vend des paquets de lessive aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, c'est en fonction des campagnes de pub, c'est Homo qui va laver plus blanc que machin, et du coup, il n'y a aucune idée dans les débats politiques qu'il y a aujourd'hui. Surtout sur la recherche. Sur l'enseignement supérieur, on a Fiorazzo et Pécresse, je ne sais pas laquelle est Homo et laquelle est, je ne sais pas... Persil. Merci, voilà. Mais c'est, enfin, je suis désolé, c'est, il n'y en a pas une qui l'a plus lent qu'autre, hein, c'est exactement les mêmes. Le problème, il est surtout qu'il faudrait essayer de leur expliquer que ça serait intéressant de se remettre à faire de la recherche. Or, on ne fait plus de recherche en France. Alors peut-être, moi, par exemple, j'ai quelques étudiants doctorants, et ils sont tous financés. Parce que dans mon labo, c'est comme ça, etc. Ce qui me permet de continuer à faire un petit peu de recherche, c'est que ces étudiants, certains de mes étudiants financiers, viennent de l'étranger avec des bourses sur lesquelles ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est un truc incroyable en France. En informatique en France aujourd'hui, on est financé pour développer un plugin de l'application machin qui va faire ça. Et on dit que c'est un sujet de thèse et qu'on a 3 ans pour le faire et qu'au bout de 3 ans, c'est France TV ou chez M6 ou oui ou machin qui va tirer parti du brevet qu'on aura développé. Alors, dire, c'est pour ça, je rejoins tout à fait Christian, qui a dit, faites vachement attention à la revendication de demander à avoir que des bourses financées, parce que, c'est évidemment, on comprend que l'idée, c'est de dire, ouais, nous, on est tous des doctorants et on veut avoir une bourse, mais en fait, la réalité de la vie, ce qui va se passer, tant qu'on n'aura pas changé l'espèce de bande de débiles de parlementaires qu'on a, c'est la réalité de la vie, ça sera quoi? Ça sera qu'il n'y aura que ceux qui développeront le plugin machin du ou ceux qui font une étude sociologique qui sert à prouver que Homo il est mieux que Percy ou que le gouvernement machin il est mieux que le gouvernement machin, il n'y a que ceux-là qui sont financés. Et les autres, ils ne seront pas financés du tout. Voilà. En fait, mais ce qui me fait un petit peu peur dans les débats, c'est ça, c'est de dire, on est tous à dire, ouais, en fait, il faudrait faire ceci, il faudrait avoir des postes, mais l'objectif de ces gens-là n'est pas qu'on fasse de la recherche. C'est ça le problème. Et l'objectif de diminuer le nombre de doctorants en sciences sociales, il est clair. De même que l'objectif qu'il y a eu, qu'ils ont vachement bien réussi en informatique, il y a en fait de la recherche technologique. Alors bon, bah, je continue d'en faire un peu parce que je travaille sur un domaine où c'est pas du tout parce que j'ai peur de quoi que ce soit. C'est juste parce que les gens qui peuvent bénéficier de ce que je fais, ils m'intéressent. Mais c'est tout. Mais On a complètement, en fait, depuis quelques années, en sciences dures en France, on ne fait plus de recherche. À partir du moment où on fait de la recherche par projet, on ne fait plus de recherche. C'est-à-dire que quand on peut dire, dans 3 ans, je vais trouver ça, on fait de l'innovation. Et les politiques actuelles ont complètement, comment, pensent que c'est un synonyme de recherche. Ils n'ont pas vu que ça ne voulait pas dire la même chose. Mais franchement, je suis désolé, pour moi, ça veut dire la même différence entre blanc et noir, innovation et recherche, ça n'a rien à voir. Je fais si personne n'a jamais vendu cette table-là en bleu, je la vends en bleu, j'ai fait l'innovation. Si j'arrive à trouver un marché pour vendre la même table que ça en bleu, j'ai fait une innovation. C'est ça l'innovation. Ça n'a rien à voir avec la recherche. Et aujourd'hui, on nous vend qu'il faut faire de l'innovation. Donc, le principal problème, à mon sens, il n'est pas de dire il faudrait expliquer qu'il y a de quoi payer 5000 postes. Bon. Non, il faudrait dire aux gens, on a besoin de faire de la recherche. Parce que, pour l'instant, on va courir sur notre air pendant les 20 prochaines années à continuer à faire de l'innovation à partir des recherches qu'on a faites. Hein, mais on est en train de développer un pays qui aura un niveau de recherche équivalent ensuite du Botswana dans 20 ans. Ce qui n'a rien d'insultant pour le Botswana, qui aura probablement beaucoup augmenté d'ici là, avec tous les chercheurs français qui auront déménagé là-bas, ou ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, c'est principalement ça le problème. Alors après, une fois qu'on aura essayé, on aura peut-être réussi à convaincre les décideurs que ça serait important de se remettre à faire de la recherche, on pourra leur expliquer que, bah, du coup, si on veut faire de la recherche, il faut arrêter de faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais ces gens-là sont parfaitement au courant de ce qu'ils font. C'est ça que je veux dire là. C'est que les gens qui décident, par exemple Madame Geneviève Fiasco, est parfaitement au courant de ce qu'elle fait. Et quand on lui dit, ouais, mais pour faire de meilleures recherches, il faudrait mettre 5000 postes au lieu de machin, elle le sait très bien. Et elle ne veut pas le faire, pour des raisons très bien précises. Peut-être. Romain, peut-être, cette fois-ci. Oui, non. Oui, alors après, sur le tout ce pourri, je sais pas, vous avez peut-être vu l'intervention d'Isabelle Attard, je m'en fous de la couleur politique, mais contre avec Fioraso, bon, c'était quand même pas une prise de position, même avec la 3 dans l'Assemblée. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas majoritaire, qu'on n'a pas des super contrats. Enfin bon. Mais je suis d'accord, par contre, sur le scepticisme général par rapport. Alors, ça me faisait, enfin, cette discussion me faisait penser à des remarques que vous avez faites sur la question de devenir professionnel et des compétences ou des qualités à mettre en avant, des doctorants, etc. Et là, pour moi, c'est aussi une question, le devenir professionnel ou le lien entre doctorat et puis les possibilités d'emploi, qui est une question en fait hyper glissante, là aussi, qui a double tranchant. C'est-à-dire que je pense que ça serait évidemment très important qu'il y ait un travail d'ailleurs de clarification des compétences de la prise dans le doctorat, parce que beaucoup de gens n'imaginent pas ce qu'il faut comme compétences, comme forme d'autonomie, le type de travail perso, etc. Et ça, c'est pas très clair dans la tête de beaucoup de gens, parce que déjà un doctorat, pour beaucoup de gens, ça veut rien dire. Un doctorat de sciences, à la rigueur, un doctorat peut-être de sciences dures, si on arrive à dire précisément, et encore, alors un doctorat de sciences sociales, où on s'intéresserait, à la socio-histoire, et voilà, vraiment, c'est complètement, voilà. C'est aussi pour ça que la revendication de « on est des travailleurs en formation qu'il faudrait rémunérer », pour ça, il faut aussi avoir un discours disant aux gens « voilà en quoi consistent les sciences sociales, pourquoi c'est important, quel type de compétences on développe, etc. » Et pour autant, la difficulté, c'est de rentrer dans une logique « si votre doctorat n'aboutit pas à une profession, donc il n'est pas bon, donc on l'élimine ». Ce qui est là aussi le risque du truc, c'est de dire, alors déjà, on n'a pas beaucoup d'enquêtes en fait sur le devenir professionnel. Je prends par exemple les sociologues, on ne sait pas très bien, c'est pas très clair, etc. Ensuite, il y a effectivement toute une machine médiatique autour de la sociologie des chômeurs, par exemple, donc voilà, un truc. En troisièmement, c'est un piégé parce qu'on a l'impression que ce serait aux facs ou aux instituts de recherche et compagnie de créer de l'emploi quasiment. Et je suis désolé, il y a une crise majeure avec un chômage massif. Il faudrait que ce soit encore aux gens, aux doctorants et à leurs enseignants de prouver que ce qu'ils font, ça va correspondre à un emploi. Il faut les faire, les emplois. C'est pas dans les facs qu'ils sont faits, les emplois. Donc il y a là aussi une espèce de jeu malsain. Et donc la difficulté, c'est d'arriver à dire on sait faire des choses, peut être utile et tout. Et en même temps, il ne faut pas borner le truc. C'est-à-dire, de même que... Je pense que c'est important de militer pour des... Enfin, de militer en un certain sens, pour des thèses non financées, longues et tout ça. De même, il faudrait... Alors là aussi, je pense qu'il y a une forme, une façon de dire et de militer pour des recherches qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien, qui ne servent pas à des entreprises, qui ne donneront, qui ont pas d'intérêt, qui ne donneront pas un brevet et machin. Et même ça, c'est vrai que... Et ça, c'est peut-être un truc dont je parlais, je pense. C'est un truc qui est de plus en plus difficile à faire entendre dans l'espace politico-médiatique, mais qui est... Et qui va plus loin, c'est-à-dire que depuis 2 ans, d'entrée au CNRS, il y a 2 ans, c'était dorénavant, vous travaillez pour la marque France. Ce qui a laissé quand même les jeunes entrants, qui sont de moins en moins jeunes, d'ailleurs c'est très rigolo, c'est la journée des jeunes entrants, tout le monde a 45 ans, bon, c'est génial, avec des post-docs à rallonge, machin, bon. Et donc la marque France, Et là, cette année, il fallait surtout déposer des brevets. Alors, des brevets en SHS, des brevets. Et créer des startups. Donc, moi, tous les jeunes que je connais, tous les jeunes entre guillemets enfants, je leur ai dit, mais je sais pas, t'as fait ta startup, ouais, l'histoire des sciences sociales, c'est pas important. Bon, mais vous voyez, mais ça va jusque là-dedans. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même encore un truc un peu schizophrénique, je trouve. C'est-à-dire que ça, c'est le discours des patrons, entre guillemets, des administratifs du CNRS, mais qui continuent à inviter comme. Grande personnalité, quelqu'un comme Descola, qui dit exactement le contraire. Non, la recherche, c'est du temps perdu, c'est des fausses pistes, c'est des trucs qui ne servent à rien. Alors, il palisse pendant tout le discours de Descola, et à la fin, non, alors, il ne faut pas écouter. Enfin, il a raison, mais ça, il nous faut la marque France avec des brevets, hein, les gars, quand même. Donc, voilà. Mais bon, donc, je pense qu'il faut là aussi cette histoire de lien professionnel, de lien entre. Je sais qu'il y avait eu une expérimentation il y a des années de ça en Suisse avec est-ce que vos masters, enfin l'équivalent de vos masters, obtiennent des boulots. Alors donc ils avaient pris des petites enquêtes simples, qu'est-ce qu'il y a. Alors musicologie, Non, 2%, donc ils ont fermé tout le département de musicologie. Ensuite, regarde, puis à la fin, il restait bon, bah, gestion, RH, ça allait. Mais il y en a, je ne sais pas combien, et il y avait, alors, je sais plus quoi, études romanes, bon, bah, c'est bon, donc on vient. Ouais. Donc c'est le risque de, là aussi, dans les mains des gens pas forcément sympathiques, ça peut donner des catastrophes. Mais je sais pas que... Pas dans le sens de dire oui, il faut absolument enfin, formaliser et dire qu'est-ce que vous savez faire, mais plutôt dans le même esprit que ce qui avait été fait par TEPSI, c'est-à-dire que les étudiants puissent se réapproprier pour pouvoir, s'ils n'ont pas envie d'embrasser une carrière académique, parce qu'il y en a quand même des doctorants qui font une thèse voilà, et qui n'ont pas envie ensuite d'embrasser une carrière académique, de pouvoir trouver le discours nécessaire pour faire entendre un employeur qui n'a pas que les écoles de commerce, et qu'il n'y a pas que les grandes écoles quand tu veux entrer dans un grand groupe du 440. Quoi. Là, il y a un vrai travail aussi, c'est pas évident. Non, complètement. Mais je pense, ouais. Si je peux réagir aussi, effectivement, il faut ces précautions-là, mais par ailleurs, la formation à qu'est-ce qu'on fait après le doctorat, enfin, en tout cas, le manque d'informations et de savoir comment on s'oriente, j'ai l'impression que c'est vrai aussi pour la recherche, au sens où est-ce qu'on a déjà eu quelqu'un qui nous expliquait comment on fait un CV universitaire, par exemple, ou quelqu'un qui nous explique comment on présente une communication. Et pour nous, c'est aussi des choses qui sont importantes et qui devraient être intégrées à notre formation. Je voulais juste donner un exemple sur justement tous les travers que ça peut avoir, cette idée de débouché. Je suis en co-direction en fait à l'Université Lyon 2, et l'Université Lyon 2 a été sommée par la Cour des comptes de justifier de la formation de ses doctorants, parce qu'il s'agissait de former des doctorants qui finissaient chômeurs. Résultat, quand on s'inscrit en doctorat à Lyon 2, on est obligé de valider des dizaines et des dizaines d'heures de formation qui ne doivent avoir aucun rapport avec notre sujet de thèse. Donc on est obligé de passer des dizaines d'heures à suivre des séminaires quelquefois intéressants, quelquefois qui sont absolument lunaires, parce que des gens qui font l'informatique sont obligés de suivre un séminaire en sciences sociales sur un truc très spécialisé, et voilà, évidemment ça ne sert à rien et ça fait perdre du temps, pour pouvoir justifier auprès de la Cour des comptes que non, regardez, en fait, on leur donne une autre formation, ils ont une formation professionnelle, donc ça ne va pas devenir des chômeurs. Donc effectivement, ça peut, enfin, voilà, ça peut vite dérouler sur n'importe quoi. Et sur la question de les politiques, ils s'en foutent, ils ne veulent pas faire de recherche, enfin, ils ne veulent pas qu'on fasse de la recherche, ils savent très bien qu'il y a des solutions, mais ils ne veulent pas les appliquer. Bah oui, évidemment, mais du coup, nous, en tant que collectif, on ne pense pas que faut leur expliquer, parce qu'ils savent, ils ont des idées. Enfin, c'est pas le problème, c'est pas les idées. C'est est-ce qu'on a un rapport de force à un moment donné pour dire voilà nos revendications, voilà comment on voit notre métier, voilà comment on voit la recherche, et ce qu'on veut, c'est ça, et pas autre chose, quoi. Et ça se joue dans ce rapport de force-là, évidemment avec une argumentation et des idées. Mais voilà, il suffit pas d'envoyer une lettre à Fioraso pour lui expliquer que la recherche, c'est important. Il y a eu des balises. Beaucoup de balises, pour ça. Il n'y a plus rien qui tourne. Hein. Quand vous avez une secrétaire de département qui n'est pas remplacée, c'est le bordel. Et donc c'est aussi la question de c'est où les points sensibles, quoi. C'est où ça va faire mal. Et donc les vacataires qui n'assurent plus aucun des cours, ça fout le bazar. Et les personnels administratifs qui arrêtent de faire leur boulot, et ben on va le sentir passer aussi, quoi. Donc c'est aussi ces questions-là qu'il faut se poser. Ça dépend aussi ce que l'université amène, hein, mais 68 a été créé avec des études. L'université à l'époque. Question. Je partage les nostalgies de Joël. On n'en fait pas état. Un mot sur la question de la professionnalisation, puis j'aimerais ensuite qu'on revienne sur les services généraux de l'école et ce qui s'y passe du point de vue de l'emploi. Sur la professionnalisation, moi, il y a un risque de demander les formations en question, c'est qu'elles soient délivrées par, vous savez, tous ces cabinets de conseil. C'est le cas. C'est insupportable. Et on nous propose sans arrêt ces machins-là. Le CNRS est maintenant pourri en profondeur par cette formation au management des directeurs de labo, etc. Donc faisons attention à ce qu'on veut. Et il me semble qu'une modalité qui serait assez réaliste et certainement nous reposerait de toute cette salade, ça serait tout simplement d'aller demander aux anciens étudiants de l'école, docteurs, où est-ce qu'ils sont. Alors il y a eu, au fil des années, en gros, par formation doctorale, des enquêtes. C'est pas très facile à faire, il faut travailler sur au moins trois cohortes, bon, il faut ça demande un dispositif. Ça peut tout à fait donner lieu à un contrat de travail pour l'un d'entre nous, d'organiser une telle enquête sur un peu la durée. Bon. Et une fois qu'on a. Les quelques enquêtes dont j'ai pu voir les résultats au fil du temps, et bien, en gros, les docteurs en sociologie, ce qui n'est pas exactement la discipline la plus vandale du temps, ils trouvent du boulot. Les docteurs en sociologie de l'école des études dans l'ensemble trouvent du boulot dans le enseignement supérieur à la recherche, en France ou ailleurs, mais autres, ils trouvent du boulot. Je ne sais pas moi, un de ceux-là qui ont fini par soutenir au bout de 12 ans, c'est un architecte, voilà, qui a fait une étude de sciences sociales en utilisant cet outil d'architecte. Il travaille dans le logement social, dans une grosse machine de logement social, genre fonctionnaire, vous voyez, du fonctionnaire de la famille. Il a fait une thèse, il est très content, et c'est un employeur aussi. Il y en a un autre qui travaille dans une administration du Grand Mexico, dans le rôle d'urbanisme, des machins comme ça. Il y a plein de. Il ne faut pas avoir honte d'aller travailler dans le privé ou dans des choses qui ne soient pas ce à quoi, c'est vrai, on peut aspirer quand on est ici, c'est-à-dire enseigner et faire des recherches. Et il me semble que essayer de retrouver des gens concrets, là, qui ont des choses concrètes à raconter et pas des salades managériales, ça serait utile. Je ne suis pas allé à la réunion de Texas. Joël Massignon, je pense qu'elle ne raconte pas trop de bêtises, mais on peut craindre le pire dans ces trucs-là. Surtout que les psys, il a que ça à montrer à ses financeurs que je vais en parce qu'il ne fait rien d'autre. Bon. Ça, c'est au chapitre gaspillage. Hein, mais ça, on en parle.